couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 11. Je procède au rappel traditionnel de cette émission, avec une touche de joie aujourd'hui, puisque vous allez le comprendre tout de suite, il y a de quoi être satisfait. Alors tout d'abord, vous pouvez nous contacter à notre adresse email que je vous donne tout de suite, dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Touche d'optimisme, pourquoi? Eh bien, parce que le forum Europe Écologie Les Brins est de retour. Voilà, alors après de longues semaines d'attente, nos lecteurs, nos auditeurs et nos forumeurs peuvent se réjouir, puisqu'ils peuvent enfin participer à nouveau au forum. Alors, donc la maintenance a eu lieu, il a fallu bosser dessus, ça a pris du temps dans des circonstances exceptionnelles d'ailleurs. Et voilà, donc c'est fait, vous pouvez le rejoindre à nouveau, y participer à nouveau, simplement le consulter à nouveau. Je crois que la section crypto aura pas mal de choses à proposer, elle est bien encadrée, je vous invite vraiment à la suivre, parce qu'on a des gens qui connaissent très très bien le sujet, donc si vous êtes curieux par rapport aux cryptos, vous voulez un petit peu en savoir davantage, la section crypto pourra répondre à certaines de vos questions. De la même manière, la partie informatique, vous pourrez trouver des conseils intéressants là-dessus. Et puis, sinon, il y a l'actualité, y a des tas de choses à aborder. Commenter les émissions aussi, bien sûr. Vous connaissez tout ça, je pense, pour une partie d'entre vous, mais peut-être pas tous. Hein. Je vais procéder maintenant à la présentation des membres. Nous avons un nouveau membre de l'émission que vous allez découvrir tout de suite. Mais nous avons aussi des historiques, bien sûr. Alors nous sommes en équipe réduite, il fait beau, il fait chaud, je sais pas, c'est les élections, ils s'en sont dehors. En tout cas, l'équipe est là. Alors je commence sans transition aucune avec Pierrot, j'espère qu'il va bien, Pierrot. Bah écoute, tout va très bien, le forum est revenu. On a une nouvelle personne qui participe à l'émission, c'est bientôt l'anniversaire du Führer, donc tout va très bien. Bonjour. tout va très bien, oui, j'en profite d'ailleurs pour faire une petite annonce après. Est aussi avec nous cette semaine Diabolix, qui nous fait le plaisir d'être fidèle au poste. Salut Diabolix. Salut à tous, toujours avec ma chignole en train de faire des trous dans les pipelines de l'OTAN. Bah t'as bien raison. Et enfin, donc, notre nouvel intervenant, qui est Sobieski. Alors, salut à toi, Sobieski. Je suis très content de t'avoir parmi nous. J'espère que tu vas pouvoir apporter ta touche à l'émission. Ave. Tu fais bien de mentionner l'anniversaire du Führer. La semaine prochaine, si tout se déroule bien, nous aurons une petite surprise pour l'anniversaire du Führer. Ça sera l'entre-deux-tours. Bon. Vous savez, je ne suis pas un très grand consommateur d'élections, hein, mais on aura une petite surprise et on va pouvoir discuter comme tous les ans, un peu plus histoire, hein, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, et puis surtout souhaiter un excellent anniversaire au Führer quand même, hein, ça s'impose. C'est aussi ça la marque de l'émission, hein, Hitler n'a rien fait de mal, hein, vous le savez comme moi. Alors messieurs, je vous propose d'entamer cette émission en remerciant nos donateurs, bien sûr, parce que quand même... C'est la moindre des choses. Nous avons, alors premièrement, vous pouvez nous soutenir en nous faisant des dons par crypto-monnaie exclusivement en Monero, qui garantit l'anonymat des transactions. C'est extrêmement important en 2022. Vous savez pourquoi ? Vous savez que la surveillance politique est généralisée et que bon, bah, tout ce qui consiste à toute forme d'organisation s'opposant au système, de près ou de loin, est susceptible de voir ses moyens de soutien financier coupés. C'est ce qui s'est passé au Canada récemment, j'en ai déjà parlé. Donc merci à tous nos donateurs anonymes qui ne nous écrivent pas en dépit du fait qu'ils nous soutiennent. Mais je remercie ceux qui souhaitent nous envoyer un petit message pour qu'on les remercie en ligne. Bien évidemment, c'est la moindre des choses. Là, c'est Ulfric Sombrage qui nous écrit. Bonjour, j'envoie ce mail pour confirmer mon don de 0,48 Monero. J'aime beaucoup votre site qui est un véritable bol d'air frais dans cet égout démocratique que sont les médias français. Bord de ciel au nordique. Post-scriptum, j'aime beaucoup les vidéos de mon homonyme, donc c'est Ulfric d'Alsace, je pense, et je pense que votre site devrait proposer des articles écrits du même genre, donnant des bases historiques aux lecteurs du site. Bien cordialement. Alors, merci Ulfric Sombrage. Alors, quand Ulfric d'Alsace fait des vidéos, on les met sur le site. Enfin, quand on en a l'information, en fait. Hein, voilà, aussitôt qu'on en est informé, on les diffuse. Elles sont généralement d'ailleurs très bien faites. Et c'est vrai que des contributeurs qui pourraient faire un peu plus d'histoire, on va dire, mais non conformistes, seraient les bienvenus. Hein. C'est simplement qu'on n'a jamais eu de contributeurs qui se spécialisent là-dessus, enfin, qui avaient du contenu à proposer. Donc pour cette raison, en fait, on n'en a jamais proposé, mais oui, ce serait tout à fait là, ce serait certainement bienvenu, tout à fait. En tout cas, merci Ulfric pour ton soutien. Don numéro 2, c'est notre ami Sam hein, qui va se reconnaître, don d'un Monero, merci à lui et merci pour son engagement, il sait de quoi je parle. Alors messieurs, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Ça aussi, c'est la rubrique que j'aime, que j'affectionne. Hein. C'est une rubrique où vous pouvez, chers auditeurs, nous envoyer des témoignages. Vous voyez peut-être des trucs sur tous les sujets. Je veux dire, ça peut être le Covid, ça peut être l'immigration de masse, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose de vécu qui peut être pertinent de partager avec nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant. Hein. Durant le Covid, on a eu comme ça des témoignages très intéressants de médecins qui étaient dans les hôpitaux et qui... informer un petit peu nos auditeurs sur des choses qui n'étaient pas diffusées dans les médias, évidemment. La semaine dernière, on a eu un témoignage direct sur un traducteur de russe qui accueillait des réfugiés ukrainiens, qui nous a permis d'avoir un autre regard sur la qualité des réfugiés ukrainiens, entre guillemets, qui arrivaient en France. Vous pouvez vous référer à l'émission en question, ça ne vous surprendra pas, mais témoignage de première main, et ça c'est quand même très appréciable. Donc voilà, hein, si vous avez des témoignages sur des situations de ce genre, la crise ukrainienne, comme je disais, le Covid, l'immigration, ça peut être autre chose d'ailleurs, hein, ça peut être la gabegie dans l'État, peu importe, mais on a toujours des choses à apprendre. Donc si vous avez peut-être envie... une expérience personnelle qui vous pèse et que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à nous l'envoyer, on la lira avec plaisir à l'antenne, si bien sûr elle nous semble pertinente. Hein. Il est possible que certains témoignages ne soient pas passés parce qu'ils ne nous ont pas paru nécessairement très pertinents, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'utilité, mais simplement que dans le contexte de l'émission, ça ne s'y prêtait pas de notre point de vue. Voilà, donc vous comprenez à vrai le principe. Alors, notre auditeur suivant, qui s'appelle Maupertuis, a tenu à envoyer ce petit message, dans lequel, en fait, beaucoup de nos auditeurs vont se retrouver, hein, il n'y a pas de problème. Alors, je vous le lis. « Chers camarades, je vous demande votre avis concernant la situation suivante pour se distraire de cette élection sans intérêt. Comme je l'ai écrit dans un précédent courrier, la petite ville de mes parents en France, je ne donne pas de précision géographique, s'est vue réquisitionnée par l'État... des hôtels bon marché type Formule 1 où environ une douzaine de familles de migrants crasseux ont été logés aux frais de la princesse. albanais, kosovars et puis, depuis quelques années, des nègres. Et une montée en qualité, donc. Je vois désormais dans la ville de mon enfance, à peine quelques milliers d'habitants, des hordes de négresses avec cinq mouflets, des caissières avec la couleur, peau excrément, et des mamadous dans le bus. Mes souvenirs de ma scolarité et de mon, mon adolescence dans ce même village étaient pourtant à 100% blancs. Voilà, donc en fait, il y a une diversification à marche forcée. Hein. Donc, bon. Très choqué, j'ai vu passer dans la gazette locale, type Le Progrès, l'Est républicain, un document du diocèse, un appel à la solidarité pour les migrants. Cet article a aussi confirmé que c'est bien l'État qui avait relogé les migrants et réquisitionné les 10 hôtels. Ivre de rage, j'ai stocké sur Internet les instigateurs de l'article du diocèse et j'ai trouvé les coordonnées, nom, prénom, adresse, Facebook, entreprise, de ces enculés de boomers qui organisent des chorales, des cours de français pour les migrants, des braderies, des dons de vêtements, etc. Bien sûr, les familles blanches pauvres peuvent crever la gueule ouverte. Que me conseilleriez-vous de faire de ces informations concernant ces boomers pro-migrants qui pourrissent la petite ville où habitent encore mes parents? Merci pour vos conseils et pour la qualité de vos émissions que j'écoute religieusement. Force à vous, les amis. Et donc, c'est signé Maupertuis. Alors, deux choses. Un constat et ensuite, que faire face à ces boomers, ça c'est vrai que c'est vraiment des boomers, hein. On va y revenir, qui organisent l'invasion en fait, parce que c'est exactement ça, hein. Enfin, qui sont des idiots utiles complètement demeurés, mais enfin, nonobstant, qui sont sur le terrain en train d'ouvrir les vannes de l'invasion pour se sentir mieux. Et c'est une vraie question, parce que c'est pas des informations cachées, hein. Les gars, ils sont dans la presse quotidienne, ils donnent leur blase, vous allez sur Facebook, bon, ils ont des assos, des trucs, des bins, des profils. Ils font des quêtes publiques, ils donnent leur numéro de téléphone. Enfin, il y a absolument rien de caché. Généralement pour aider des clandestins d'ailleurs. Donc en fait pour aider à violer la loi, mais l'État français se fout en lui-même de sa propre loi. Bon, on n'est plus à ça près. Donc deux questions en une entre guillemets, et je veux bien évidemment récolter votre sentiment là-dessus. Alors, Maupertuis emploie à deux reprises le terme diocèse, donc j'imagine qu'il fait référence à l'Église catholique romaine conciliaire. J'ai envie de le dire, tiens-toi éloigné de ce genre de truc, mon ami. Hein. Et, tu peux trouver peut-être des communautés catholiques qui sont pas de ce truc-là, d'accord? Mais là, c'est le parti communiste, hein, quand tu lis des trucs comme ça, c'est comme quand tu lis la croix. La croix et les gens, ils pensent que ce sont des catholiques de gauche. En fait, non. Ce sont des types à l'extrême gauche, d'accord? Et, optionnellement, de temps en temps, ils sont chrétiens. Voilà. C'est du torchon rouge. Faut brûler ces conneries, quoi. Ensuite, pourquoi ces boomers? En fait, pourquoi c'est facile de choper l'information sur ces boomers? Comme les Agandas, c'est vrai que ces gens ne se le cachent pas, ils en sont assez fiers. Ils font ce boulot de sape, pas juste pour aider les migrants, en fait, les boomers, ils ne pensent qu'à leur gueule. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils agissent comme des boomers qui font grossir la dette, ils ne pensent qu'à eux, et après eux, il n'y a plus rien. Comprenez? Après, il n'y a pas le paradis, l'enfer, il n'y a rien. Donc, il faut absolument jouir à fond le plus rapidement possible, le plus fort possible. Et donc, quand ils se mettent en scène dans ce genre d'opération communiste, ils le font aussi pour se montrer, pour dire, vous avez vu, moi, je. C'est un peu comme quand vous rencontrez des gonzesses véganes. En fait, elles font pas ça juste pour aider les petits animaux de la forêt. Elles ne parlent que de leur connerie. Vous avez sûrement remarqué, les véganes, ils parlent que de ça, du véganisme. Elles ne parlent que de leur connerie de végane pour se montrer, pour dire, vous avez vu, moi j'ai une ascendance morale, je fais quelque chose que toi tu ne fais pas, j'ai une plus-value par rapport à ta petite personne, quoi. Et les boomers, c'est pareil. Ils font ça aussi. Ils font, moi, j'aide les migrants, j'aide la planète. En fait, ils aident rien du tout, mais ils veulent absolument se montrer en société. Comme j'ai remarqué aussi, comme vous savez, sur les voitures électriques, maintenant c'est obligatoire. Il y a le truc, le logo là, hybride, et aussi il y a un autre terme. C'est vrai, c'est pour se montrer. En fait, le mec, il a envie. Vous avez vu, moi, je ne pollue pas. Je ne suis pas comme vous. Je fais attention à la planète. C'est des gens qui sont guidés par leur ego. Alors que faire? Ouais, c'est pareil. C'est de la pédanterie moraliste, en fait. Je suis pas trop. Bien sûr, mais complètement. D'ailleurs, ils ne parlent que de ça pour dire, vous avez vu ce que j'ai fait, moi. D'ailleurs, si on fait un parallèle normalement avec la doctrine chrétienne, la main gauche est censée ignorer ce que fait la main droite ou l'inverse. Je ne sais plus d'ailleurs. Donc, tu es censé, par exemple, tu donnes aux pauvres, tu ne vas pas faire comme les pharisiens. D'ailleurs, c'est un objet de rixe entre le Christ et les pharisiens. où les pharisiens, quand ils donnaient, bah, ils le criaient sur tous les toits, vous avez vu à quel point j'ai donné aux pauvres et tout, alors que le Christ dit justement, bah non, je fais ça dans l'humilité. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, justement, j'ai une anecdote là-dessus. C'est qu'une fois, j'étais, je ne sais plus trop, en train de faire la queue dans un magasin, et là, il y a un boomer qui regarde les vitrines, et il bouscule tout le monde avec son putain de vélo électrique, là, trottinette. Et je commence du coup à lui demander, monsieur, ça va, vous êtes tranquille? Il me fait, ouais, ouais, ça va. Je fais, non, mais en fait, vous faites chier tout le monde là. Il me fait, oh, ça va, je suis en trottinette, je protège la planète et tout. Je fais, alors du coup, vous avez le droit d'emmerder le monde, c'est ça? Bon, voilà quoi. C'est vrai que du coup, ça leur donne une supériorité morale. Et donc, du coup, les types après. Voilà, en bon boomer qu'ils sont, je fais ce que je veux et c'est tout, quoi. Et je t'emmerde, en gros, quoi. Ouais. C'est ça. Alors, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que sentant que le type commençait à broder à propos de son histoire de sauver la planète, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai juste répondu ouais, ok, boomer. Et là, il a fait quoi, ok, boomer? Je fais, oui, t'as très bien entendu, ok, boomer. Au revoir. Ah, c'est bien ça, c'est bon ça. Pierrot, tu disais le diocèse, il a dû voir le diocèse, je sais plus comment t'as formulé ça, qui je sais pas, enfin que ça lui tombe. En fait, c'est le diocèse qui l'envahit en fait, hein, de nègre hein, précisément. Donc il a pas tellement le choix en fait, tu vois. C'est pas lui qui se précipite à l'église, hein, c'est l'église qui se précipite vers lui, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Donc par nègre interposé. Avec une stratégie fantastique, hein, c'est-à-dire que bon, je sais pas, pendant ça me paraît très logique, si on veut convertir les gens, ben on se rend en terre païenne et puis on convertit les gens, mais là les conciliaires, ils ont une stratégie, attention, tonitruante. On va faire venir plein de musulmans, et vous allez voir, ils vont devenir chrétiens. Ouais, moi je pense que c'est plutôt les Français qui vont se convertir à l'islam, mais bon. Hein. Alors je sais pas si les Français vont se convertir à l'islam, par contre on sait ce qui va se produire dans ce cas de figure. Se référer aux mésaventures du curé de Normandie. Vous rappelez comment dirais-je, à Rouvray, là où il y a un vieux curé. Ah oui, Saint-Étienne de Rouvray. Voilà, un vieux curé de gauche qui avait cru intelligent de remuer ciel et terre pour trouver un terrain pour bâtir une mosquée. Et ce curé de gauche a été remercié avec la tête tranchée, n'est-ce pas? Donc, faut voir hein, où ça mène la connerie interconfessionnelle, le dialogue des religions et tout ça. Parce que c'est ça l'Église catholique aujourd'hui. Hein, c'est ni plus ni moins qu'une c'est du socialisme quoi. C'est du socialisme international. C'est on va créer la grande fraternité humaine, machin, truc. Voilà. Bon. Et évidemment, les musulmans, ils en ont rien à foutre parce que contrairement aux catholiques Vatican II Bergoglien, les musulmans croient en leur religion. Et ils sont littéralistes, c'est-à-dire qu'ils lisent le Coran et ils appliquent le Coran. Donc pour eux, c'est la seule religion, c'est la vraie religion. Mahomet est le seul véritable, donc pour eux c'est Mohamed, est le seul véritable prophète, d'accord? Et il n'y a aucun doute, moi j'ai lu le Coran, hein, je veux dire, contrairement à beaucoup d'abrutis qui en parlent mais qui ne l'ont pas lu, moi j'ai lu le Coran, et en toute honnêteté d'ailleurs, puisque je veux dire, je l'ai lu, j'aime pas l'islam, mais je l'ai lu sans aucune espèce d'a priori, je me suis pas dit que c'était le livre, je sais pas quoi, le livre du démon, je ne sais, je l'ai lu comme étant un ouvrage écrit par un leader politique en fait. Et tout ce que dit, enfin tout ce qui est écrit dans le Coran en termes de pratique est quelque chose de très terre à terre, mais de très banal en fait. Et ils disent, ben voilà, en substance, les gars, faut savoir manier la trêve, faut savoir manier la ruse, faut savoir quand employer la force contre ceux qui nous résistent. Quand vous êtes en situation de faiblesse, bon, il faut savoir faire profil bas, etc. Enfin, tout ça est expliqué dans le Coran, mais par des exemples concrets. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, voilà, telle bataille, on a été obligé de composer avec l'ennemi parce que le rapport de force n'était pas favorable. Et puis là, au contraire, on a remporté une grande victoire parce que le moment était venu de déclarer la guerre aux infidèles. Enfin, tout ça est écrit noir sur blanc. Et pour les musulmans qui sont, excusez-moi, c'est pas des intellectuels les musulmans, hein, généralement c'est des arabes ou des noirs. Bon, je veux dire, on est entre 65 et 80 de QI. pour eux, il y a pas de je sais pas quoi de sens figuré ou de ça c'est pour des c'est pour des universitaires homosexuels d'Occident, ça c'est pour l'arabe de base, c'est littéral et ça doit être lu littéralement, ça a été écrit littéralement par des arabes, ça doit être appliqué littéralement par des arabes, excusez-moi. Donc quand ils expliquent les gars on fait profil bas à la première occasion, on leur coupe la tête dès qu'ils ont le dos tourné. C'est exactement ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais absolument, je veux dire, absolument. Et ces crétins de catholiques, alors certains vont me dire, oui, mais il y a les traditionnels, bon, bah oui, bon, d'accord, à l'exception d'un Pouyem de pourcent qui, voilà, mais l'écrasante majorité des catholiques, donc qui suit le fou, là, du Vatican, est absolument convaincu de faire l'œuvre sainte de Dieu en livrant l'Europe aux musulmans. Ce à quoi appelle Bergoglio, absolument, littéralement. Je veux dire, Bergoglio appelle à l'invasion de l'islam en Europe. Il n'y a aucune espèce de débat là-dessus. Donc, tous ces prêtres, tous ces évêques, toutes ces organisations catholiques bergogliennes, type Caritas et compagnie, ils ne font qu'appliquer à la lettre les consignes de l'Église catholique romaine. Mais à la lettre! D'accord. Donc la consigne de Rome, c'est envahissez l'Europe de nègres et de mahométans. Qu'est-ce que font ces gens-là? Ils envahissent l'Europe de nègres et de mahométans. Enfin, c'est ce qu'ils font, quoi. Voilà. C'est d'ailleurs leur seule fonction. Moi, je me rappelle très bien. J'ai pas la prétention de faire découvrir quoi que ce soit à qui que ce soit dans l'émission, mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus une messe. Une célébration, si vous voulez, à l'église par un prêtre, quelle que soit la circonstance d'ailleurs, qui ne se termine par un appel à la solidarité avec, entre guillemets, les migrants. C'est systématique. Moi, je l'ai vu dans des communes rurales reculées où il n'y a pas un nègre. Vous avez le cureton. À demi sénile, vous voyez, qui termine son homélie en disant et la solidarité avec les migrants. Ça, c'est des consignes qui viennent de Rome. C'est-à-dire que l'invasion organisée par l'Église catholique, enfin en partie par l'Église catholique, elle est un point absolument central de l'action de l'Église catholique aujourd'hui, dans toutes les communes. Donc il n'y a absolument rien d'étonnant de voir ce que dit notre auditeur, quoi, de trouver ces vieux machins. Là, qui ont la barbe qui trempe dans la soupe, en train de déconner à plein tube avec des nègres. Voilà. Alors attention, hein, ça c'est la version soft, parce que la version un peu plus radicale, c'est qu'en fait, les rombières, elles se font tringler par les négros en question. Hein. Ou le prêtre lui-même. Hein. En Italie, il y a des tas d'histoires comme ça. Où vous avez le prêtre de la paroisse, c'est un illuminé de l'immigrationnisme, c'est-à-dire il accueille toute l'Afrique. Hein. Et puis on découvre que, en fait, le type, il a commerce sexuel avec deux, trois éphèbes qui viennent d'Afrique du Nord ou qui viennent de d'Érythrée ou machin. Enfin, c'est moyennant d'ailleurs finance, etc. Enfin, c'est la prostitution avec des gigolos, etc. Alors, le prêtre faisant miroiter une régularisation et tout, ben c'est ça quand même qui se passe dans l'Église catholique aujourd'hui. Hein. C'est ça qui se passe. Voilà. Donc c'est souvent très éloigné de l'idéalisme humanitaire professé même en public. Hein. C'est très souvent de l'exploitation à caractère sexuel, très très souvent. Il y a des trucs complètement louches qui se passent. Moi, je sais par exemple que dans ma région d'origine et même dans mon département d'origine, moi, je sais carrément que les organisations type Emmaüs, Caritas, ils planquent les clandestins. C'est-à-dire, l'Église catholique a des tas de biens immobiliers dans le département, ça sert de planque à des clandestins. Et si je le sais, l'État français le sait. Mais tout le monde ferme les yeux. Vous voyez ? Donc, mais Emmaüs, Caritas, là... Ah ouais, mais c'est l'extrême gauche. Ouais, mais ils agissent sous les yeux, hein, complètement. Ils agissent sous le patronage de l'évêché. Je veux dire, à aucun moment ces gens ne prennent d'initiative. Enfin, de toute façon, dans mon département d'origine, il y a eu un putsch contre l'évêque. Il y avait un évêque qui était même pas. Attention, c'était pas un lefébriste, attention, hein, c'était très, très, très, très, très, très modéré, hein. Mais il était un peu sceptique sur l'histoire des mariages de fiottes. Il était un peu sceptique. Il était pas ouvertement contre, mais il disait, tu vois, il était mi-figue, mi-raisin, quand même, un petit peu, tu vois, il était pas encore suffisamment à la page. Eh ben, il a été putché, mais officiellement, hein, ce que je vous raconte, c'est absolument vrai, il a été putché par un curé défroqué affilié au Parti communiste. C'est-à-dire qu'il y a un curé défroqué du Parti communiste qui a dit « c'est insupportable », il a rameuté toute une série de rombières, c'était essentiellement des rombières de 70 ans qui étaient des folles, quoi, et ils ont dit « il doit dégager ». Et l'évêque a été dégagé, je ne vous mens pas. Le Vatican l'a démis de ses fonctions. Et ils ont nommé un type transparent à la place, qui ne gouverne rien en fait dans le diocèse, puisque le diocèse est tenu par un soviet de vieille bique ménopausée, encadré par un curton défroqué du Parti communiste. Ça se passe comme ça, je veux dire. Et ces gens-là, bah, comme ils contrôlent le diocèse, bah, ils contrôlent effectivement le patrimoine immobilier. C'est l'Église catholique, ils peuvent parler avec un caractère semi-officiel aux autorités. Et puis de toute façon, comme ils sont à fond dans le discours dominant, ils sont. Ah, les deux sont d'accord sur tout, de toute façon. Hein. Voilà, donc. Il n'y a pas d'accrochage. Hein. Voilà, donc c'est ça. Et donc en fait, ils peuvent planquer autant de migrants qu'ils veulent dans d'anciens presbytères, d'anciens couvents, de trucs, il n'y aura pas de descente de gendarmerie. Hein, je veux dire, les gendarmes, ils préfèrent de beaucoup aller soit faire chier les gens au bord des routes, soit venir chez vous le matin parce que vous avez fait un commentaire Facebook. Hein. Ils préfèrent de beaucoup venir vous emmerder pour ça, ou pour le port du masque. Vous voyez, mais alors, stopper des filières clandestines, ça, alors, bousculons pas trop de gens. Si un jour je devrais me planquer dans je ne sais quelle congrégation religieuse conciliaire pour, je sais pas, une vision politique national-socialiste, j'irais pas toquer chez eux. À mon avis, j'aurais pas le droit d'asile. Hein. J'aurais pas le droit d'asile. Le mec, il serait déjà en train d'appeler la gendarmerie. J'aurais pas encore mis le pied dans la porte. Quoi. Moi, si j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance hein, par rapport à l'Église catholique, parce que vous savez, Staline disait ça à l'époque, combien de divisions ? Alors ça avait fait beaucoup rire lorsque Jean-Paul II avait fait son agitation en Pologne. Maintenant, moi j'ai tendance à ressortir l'expression, mais ben, l'Église catholique, combien de nègres ? Tu vois, c'est un peu ça le sujet. Et ils sont possédés, ils sont possédés. Moi une fois, avec une nana de l'Église, enfin une catholique, hein, pratiquante, attention, pratiquante. Qui croyait pratiquer sa religion. J'étais entré en discussion avec cette personne pour un sujet complètement annexe. Et elle finit par me dire « Non, mais vous ne connaissez rien à la religion catholique. Moi, j'étudie les textes, j'étudie la Bible sous la supervision d'un rabbin. » Mais non, mais une catho de base, d'accord, qui était dans des groupes d'études bibliques, diocésains, etc. Enfin, rien de délirant, je veux dire, c'était pas des protestants. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des commissaires politiques de la synagogue qui supervisent tout ce qui se dit et tout ce qui se fait dans l'Église catholique romaine en France, je vous assure, et que l'évêque ne peut... Enfin, de toute façon, il n'y a aucun évêque qui a envie de... Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a même plus un évêque qui sait ce que c'est vraiment l'Église, la foi catholique réelle qui existait il y a 60 ans. Je pense qu'il ne sait même plus ce que c'est en raison de l'embrigadement idéologique, de la déformation, etc. Le relativisme aussi, ces gens ont tellement tout relativisé qu'à force, ils ne savent même plus. Ils ne savent même plus de quoi on s'agit. C'est-à-dire qu'on leur présenterait la foi catholique qui était pratiquée dans les années 50, ils n'en croiraient pas leurs yeux, ils diraient « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je veux dire, c'est catholique ça, vraiment, vous êtes sûr ? Oui, vraiment. Il y a une photo qui me revient en tête, parce que c'est que tu parles de rabbin, qui a circulé sur Internet, c'est une photo à caractère humoristique, de quelqu'un qui informe le pape que Joe Biden, qui se dit catholique, que Joe Biden, en fait, il n'a pas un confesseur, il a un rabbin. Et donc, il informe le pape, il fait « c'est normal ça, notre sainteté, qu'un mec catholique pratiquant et un rabbin ?» Et le pape, il répond, ah, ça, je sais pas, faut que je demande à mon rabbin. Enfin bon. Parce que Bergoglio, il a passé plus de temps à allumer des cierges à sept branches qu'à passer du temps dans les églises. Hein. Voilà. Bah, ça va plus loin que ça, j'ai dit dans l'émission, et ça c'est documenté, c'est assumé de la part de Bergoglio, attention, tous nos auditeurs peuvent aller vérifier ça. Bergoglio, dans sa résidence papale personnelle, c'est-à-dire là où il passe ses nuits, entre guillemets, il y a une chambre spécifique pour un rabbin. Je n'invente rien, hein. Il y avait un rabbin d'Argentine d'ailleurs, c'était un rabbin d'Argentine, donc de son pays d'origine, qui résidait régulièrement là, etc., et en fait qui avait un droit de regard sur les activités de l'Église catholique, et en tout cas de la papauté. Voilà. Et que Bergoglio consultait, plus que consultait, puisqu'ils dorment sous le même toit. Alors, je sais pas ce qui... Enfin, je sais pas, il faut que les gens imaginent ça, je veux dire. Que les gens réfléchissent à ça. C'est dans la résidence personnelle du pape, là où il dort, quand il va manger, ou quand il se retire dans ses appartements, il y a une petite chambre pour un rabbin. Je veux dire, que les gens méditent là-dessus. Je veux dire, voilà, ça, c'est la papauté en 2022. Voilà, bon. Ouais, alors que lorsque Théodore Herzl s'était présenté dans les appartements privés du pape Saint-Pie X pour lui parler de son projet sioniste, alors on ne sait pas trop ce qui s'est dit, mais on sait que lorsque Herzl est ressorti, il était fou de rage, il avait dit qu'il n'avait jamais été traité comme ça, il a dû se faire envoyer chier un grand coup de pompe dans le cul, quoi. Ouais, ça a bien changé. Hein. Mais de toute façon, il y a des problèmes de... Vas-y, vas-y. Bah, je te ferai remarquer, je me demande comment ça se fait que même Théodore Herzl, qui était quand même un très gros juif, a pu accéder aux appartements privés du pape, tu vois, c'est déjà, si tu veux, s'il y a 100 ans... On peut accéder à l'audience, ça, par contre, c'est pas choquant. Il y a déjà eu des hérétiques notoires qui se sont présentés en audience... Oui, oui, ça, c'est par contre, c'est... Oui, mais bon, quand même, tu vois, voilà, c'est-à-dire que, bon, quand tu laisses le juif passer les portes, en général, c'est jamais bon signe, quoi, tu vois, donc, alors le pape... Si c'est pour le foutre un coup de pied au cul, moi, moi, je pense que la première mesure à prendre contre le juif, c'est de lever le pont-levis, tu vois, c'est pas de lui dérouler le tapis rouge, voilà, bon, c'est ce que je crois. Bon, la suite... me semble-t-il, m'a donné raison, mais bon, on verra. Alors, que faire, messieurs, que faire dans ce cas d'espèce, c'est quand vous avez tous ces... c'est souvent des rombières, hein. Ils parlent de boomers, mais c'est souvent des vieilles, hein, dans ces trucs-là. Parce qu'elles s'emmerdent, en fait, pour elles, c'est la sortie tricot, hein, c'est la même chose, hein, il faut bien comprendre ça, mais c'est plus marrant, parce que c'est des nègres, quoi, vous voyez, c'est de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, évidemment, hein, dans l'émission, hein, nous sommes des gens pacifiques, légalistes, donc nous n'appelons à commettre, évidemment, aucune action illégale. Au moment, moi, je veux dire, t'as les bras qui t'en tombent, quoi, si tu veux, tu te dis, mais quel est le projet, quoi, tu vois? Ben, c'est ça, quoi, je me dis, au bout d'un moment... Non, mais discuter avec un boomer, c'est discuter avec un flic, hein, c'est la même chose, ces gens sont têtus, ils comprendront peut-être que si, lorsque les types viendront toquer à leur porte un matin pour dire, en fait, bah, maintenant on a besoin d'un toit, et puis bah, tiens, c'est le tien. Et puis, ou alors, tiens, ta fille, elle est sympa, viens, on l'accompagne un peu à 10 dans une cave, tu vois, genre de truc. Sinon, tant qu'ils n'ont pas le nez dans leur caca, tout va bien, voilà. Et puis, en fait, si les autres, ils ont le nez dans leur caca, ils s'en foutent, hein, alors là, ça ne les intéresse pas. Et je crois que leur projet, en fait, c'est littéralement la disparition des blancs, en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'autre motivation. Ces gens-là veulent vraiment voir tout ce qui est blanc, européen, disparaître. Je veux dire, moi, ça me fait penser à cette ministre allemande qui avait dit « Ah oui, les blancs vont bientôt disparaître. » Mais c'est génial, d'ailleurs. C'est génial, le grand remplacement existe et c'est tant mieux. Donc... C'était une écolo marxiste dans une ville d'Allemagne, j'oublie la commune. La ville, c'est d'une certaine taille, mais oui, effectivement. En fait, leur motivation, c'est pas on va faire disparaître les blancs. Hein. C'est pas comme ça qu'ils le conceptualisent. Eux, ils conceptualisent plutôt ça comme, en fait, c'est des gens séniles, si vous voulez, qui veulent être gentils avec l'humanité. Cette espèce, en fait, d'irénisme gâteux en phase terminale, où en fait dans leur radar, et c'est ça en fait, moi, que je dénoncerais volontiers, c'est que l'Église catholique actuelle, bon, au moins actuelle, par l'humanitarisme qu'elle professe, c'est vrai avec la gauche d'ailleurs, hein, je pourrais y revenir d'ailleurs sur Mélenchon, cette espèce de d'immigrationnisme dogmatique repose sur l'idée, en gros, d'un pacifisme de principe, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes gentil avec les autres, tout va aller mieux. Et il faut être accueillant, il faut être positif. Si vous développez un bon karma, tout va bien se passer. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur idée, il n'y a pas de prédateur à l'extérieur. C'est Rousseau. Oui, et c'est aussi, moi en fait, j'allais dire justement, c'est en ça que c'est assez marqué chez les boomers, c'est que c'est vraiment cet esprit hippie, new age, et c'est vraiment un truc, comme tu dis, c'est cette injonction au pacifisme, genre, l'idée de la guerre, les gens ils disent, non mais c'est horrible, en 2022, comment est-ce qu'on peut faire la guerre? Demande à tous les êtres humains et toutes les créatures qui existent depuis la nuit des temps, pourquoi ? C'est tout, je veux dire. La violence, ça ne résout jamais rien. Oui, écoutez, en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais tout va en cas d'histoire. Les Américains ne sont pas d'accord et les démocraties ne sont pas d'accord avec cette assertion. Hein. C'est ça, mais tu me fais penser aussi à un truc, c'est que j'avais vu une... sur YouTube, je crois, c'était un documentaire amateur sur les combats je sais pas si on peut appeler ça du MMA, enfin en tout cas des combats de oui, on va dire free fight, je sais pas trop comment on appelle ça, loin des regards et des combats privés, tu veux dire, voilà, c'est ça, des combats privés avant, juste après le reporter interrogeait des Parisiens à propos de ça, et les gens, leur remarque, c'était « Oh là là, quelle violence et tout !» Oh, enfin, je veux dire, on est dans une société, en fait, qui a banni l'idée de la violence. Et du coup, c'est assez paradoxal, parce qu'on fait venir des millions de nègres et de crouilles qui ont la culture, qui ont la violence dans leur gène, mais à la fois... Il y a le choc avec cette population blanche qui refuse la moindre violence. C'est assez ubuesque. C'est le résultat. Les boomers, ils sont comme ça. Ils refusent les conflits à tout prix. C'est complètement fuir le conflit. C'est vraiment le mantra de base. Et ces gens ne pensent. Comment dire, ils sont perdus en fait. Ils pensent même plus. Ils ont perdu tous les repères. Ils savent même plus ce qu'il faut penser. On parlait de cette histoire de Saint-Étienne de Rouvray, là, lorsque le prêtre avait été égorgé par des bougnoules. Il y a des gens qui étaient aussi dans l'église, hein, qui ont assisté à la décapitation, qui s'en sont sortis et qui ont témoigné. Il y a eu un procès récemment, alors pas les deux types en question qui ont fait la décapitation, parce qu'ils ont été tués, mais des gens qui ont été complices, je sais pas, qui ont donné des renseignements, des armes. Hein. Parce que vous savez, il y a les bougnoules radicalisés, c'est ceux qui ont le couteau. Et puis les bougnoules intégrés, c'est ceux qui donnent les informations, les armes, mais ça va, ils sont pacifiques. Et donc, on comprend pas. Il était toujours accueillant, serviable. Il aidait à sortir les poubelles. Je comprends pas. Et qui aurait pu croire que la religion de paix. Non mais bon, la blague. Quoi. Alors petite parenthèse quand même sur cette histoire de Saint-Étienne du Rouvray, c'est que le prêtre en question, donc effectivement, était un gauchiste conciliaire, on va dire sans synonyme. Mais je suis obligé quand même de le reconnaître, c'est que à la fin, selon les témoins, les musulmans ils avaient une conception du dialogue interreligieux qui était assez simple, c'est tu vas te convertir maintenant, sinon tu tues, et peut-être qu'il l'aurait tué quand même. Et le prêtre, il a dit va derrière trop Satan, arrière Satan. Donc il a pas sauvé sa vie, mais il a au moins sauvé son âme. Ça, je fais la parenthèse là-dessus. Il a peut-être eu un éclair de lucidité avant de voir la mort, c'est au moins ça. Et donc les gens qui ont assisté à la scène, ils ont vu cette histoire. Absolument horrible. Ils ont témoigné au procès et qu'est-ce qu'ils ont répété aux journalistes en boucle, c'est on pardonne. Sachant que les types qui avaient aidé à faire toute cet attentat, ils ont jamais demandé de pardon, ils regrettent rien et ils l'ont dit à plusieurs reprises. Voilà. Donc en fait, ils ont même perdu ce repère-là, c'est-à-dire que comme si on allait forcer le pardon. pour des gens qui sont soi-disant de catholiques. Ça n'a absolument aucun sens. Bah, normalement, le pardon, il doit être demandé, hein, normalement. Attention. Hein, ah oui, non, attends, je te prends dans un confessionnal, c'est simple. Tu dois accuser tes fautes, d'accord ? Donc, ces mecs, ils n'ont absolument rien accusé. Tu dois la regretter, d'accord ? Ils regrettent absolument rien. Et tu dois aussi, au moins t'engager, même si ça arrive à nouveau, c'est pas la question, au moins t'engager à faire en sorte que ça n'arrive plus. Voilà. Il n'y a rien de tout ça. Et si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir le pardon. Le prêtre ne peut pas donner l'absolution. Donc ça, c'est un principe de base qui devrait être compris par des gens qui fréquentent une église régulièrement. Rien du tout, ils donnent un pardon sans condition. Ça, c'est anti-catholique comme concept. Ça n'a jamais été fait en 2000 ans d'histoire, mais ils ont sorti, un lapin de leur chapeau. J'allais dire depuis le Concile Vatican II, mais non, même un peu avant ça, il y avait déjà quand même de l'eau dans le gaz. Et juste que ça a éclaboussé, parce que maintenant, on parle des histoires de communistes maintenant qui sont dans les assos catholiques, Emmaüs, enfin tous les trucs comme ça, de manière ouverte. C'est vrai que on peut dire que depuis le Concile Vatican II, c'est là où il y a vraiment une rupture assez grande par rapport à des problèmes qui étaient aussi antérieurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prépare le Concile, il y a le président de la doctrine de la président de la Congrégation pour la doctrine et la foi, je crois que c'est ça son titre. Oui. Son secrétaire, donc la personne qui travaille constamment avec lui, dit de manière ouvertement, ah au fait, je suis membre du Parti communiste français. Voilà, j'ai ma carte au PCF. Voilà. Donc à partir de là, si vous voulez, c'était que la suite. C'était nouveau, j'ai envie de dire. Ces gens sentis en position de force, ils ont dit bon, c'est bon, on les a, on a gagné. On peut abattre les cartes. Oui, enfin, c'est ça que je dis, c'est qu'en fait, c'est l'irénisme dogmatique qui énerve hein, toute la société, qui est le résultat en fait de presque 80 ans de paix maintenant, et de cette illusion qui est portée principalement par la génération des boomers qui s'identifie totalement à ce postulat, qu'on peut bannir et qu'on doit bannir la guerre du monde. Alors, je crois que il faut se reporter sur nos penseurs à nous, et quand je dis nos penseurs, bon, bah, c'est ceux qui viennent du camp anti-égalitariste, bon, bah, c'est quelqu'un comme Carl Schmitt. Carl Schmitt, moi, à mon avis, est un penseur européen, donc allemand en l'espèce, majeur et même à ce stade indépassable, qui a, à mon avis, démontré de manière décisive que la condition de l'humanité, c'était l'état de guerre permanent. C'est le grand apport de Carl Schmitt. C'est-à-dire, en fait, il explique que la nature humaine est conçue par et pour la guerre. Et que le conflit est le paradigme fondamental de l'humanité. Ce qui est complètement antithétique avec ce que postulent tous ces pacifistes et ces égalitaristes. Parce que pourquoi être pour l'égalité ? Pourquoi ces gens sont pour l'égalité ? Je veux dire, l'extrême gauche, les catholiques conciliaires, comme tu les appelles, etc. Et puis le centre mou et les démocrates. Tout. C'est parce que d'après eux, l'égalité va permettre d'abolir toute notion de conflit. Si on met tout le monde sur la même échelle, il n'y aura plus de tension, il n'y aura plus de conflit. Vous voyez ? C'est ça le prémisse. C'est ça le prémisse. C'est qu'on va mettre un terme à tous les conflits. Mais il ne faut pas mettre un terme à tous les conflits, c'est impossible. C'est que l'objectif de départ de ces gens est faux. Il est faux philosophiquement et il est faux en pratique. Voyez ? Le conflit est indépassable et il doit être, si vous voulez, compris, conscientisé. Et il faut s'y préparer, il faut se préparer à cette condition fondamentale de l'humanité. Alors comment on se prépare ? Ben, comme dit le vieil adage, quoi. Hein, je veux dire, si tu veux la paix, prépare la guerre. N'est-ce pas ? Donc, la vieille sagesse antique. Sibis pacem parabellum. Et voilà, exactement. Donc, on a une rupture fondamentale. Donc, qu'est-ce que fait l'Église catholique ? L'Église catholique aujourd'hui, l'Église catholique romaine par tous ses prêtres, qu'est-ce qu'elle essaye d'enseigner aux masses avec la petite influence qui lui reste ? À désapprendre de tous les réflexes que l'expérience de millions d'années, si ce n'est pas de milliards d'années, nous a légué en tant qu'être vivant, c'est-à-dire se défendre, etc. Ils nous disent « baissez les murailles, ouvrez les portes à l'envahisseur, ne vous défendez pas, laissez-vous tuer ». C'est préférable, c'est ce qu'avait dit Trudeau, mais avec une sincérité d'ailleurs qui était stupéfiante d'ailleurs. Trudeau avait dit quand vous tuez l'ennemi, l'ennemi gagne. Vous voyez, Trudeau est un socialiste, mais moi je me suis dit, ça c'est vraiment la version hippie de Jésus. Vous savez, Jésus, on lui fout une claque dans la gueule, en fait il tend l'autre joue. Vous connaissez ce truc-là? Ce que disait Trudeau. Il disait, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte, si vous tuez votre ennemi, l'ennemi a gagné. Donc, en fait, pour gagner contre ton ennemi, tu dois être raide mort à six pieds sous terre. Enfin, c'est ce degré de sadomasochisme. Oui, de masochisme. Gandalf, il y a quand même quelque chose qui me fait bien marrer avec Trudeau, parce que notre cher Trudeau, son principe, c'est si vous tuez l'ennemi, ça ne va pas, ok, d'accord. Dans combien de conflits les Canadiens sont intervenus pour aller massacrer des nègres et des bougnoules aux quatre coins du monde? J'aimerais que quelqu'un me le rappelle. Ouais, on peut commencer par sa propre population, puisque là, avec les truckers canadiens, il leur est rentré dans la gueule. Bon, comment se fait-il qu'il leur a pas dit « Mes amis, je vous ouvre ta voix, je vous ouvre le Parlement, je vous rencontre, partageons un repas ensemble, etc. » Bon non, il a dit, les gars, envoyez les flics, saisissez les comptes bancaires, etc. Ça, c'est toute l'hypocrisie de ces pharisiens de gauche, c'est-à-dire que ils prêchent le pacifisme, mais toujours pour les gens qui veulent abattre. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ceux qu'ils veulent abattre, ils les veulent pacifistes. Mais eux, ils se gardent bien de livrer leurs armes. Ils se gardent bien de livrer leurs armes. Donc, c'est comme toujours avec la gauche, parce que tous ces gens-là, on a beau dire, hein, ils viennent de la gauche, ces gens-là prêchent le pacifisme pour leurs ennemis. Et c'est caractéristique avec les antifascistes, d'ailleurs. Si vous lisez la prose antifa, des véritables organisations antifa, donc tous les groupes, groupuscules, associations antifa, antifascistes, etc. Vous avez qu'à remarquer une chose. Quand un groupe de droite, ou d'extrême droite, ou nationaliste, ou néofasciste, peu importe, ces mecs-là se défendent dans une rixe, ils donnent 2-3 coups de poing, un coup de matraque sur la gueule d'un rouge. Tous les antifas dans leur presse, sur leur site internet, ils hurlent à la violence viscérale du fascisme, etc. Fasciste ! Assassin, ennemi du prolétariat, et j'en passe. Mais si vous regardez objectivement la situation, quelles sont les organisations les plus violentes qui existent, par exemple, en France? C'est les associations de gauche, et de loin. Par exemple, à Nantes, de manière fréquente, en tout cas jusqu'à une date pas si récente, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais... ces 15 dernières années, combien d'émeutes violentes organisées par l'extrême-gauche n'a-t-on pas vu dans les rues de la ville? Avec des attaques de magasins, des attaques de flics, des mecs prenant les pavés, balançant ça partout, enfin vraiment de la violence d'extrême-gauche. À aucun moment les mecs disent « mais comment, c'est scandaleux, nous nous fourvoyons, nous trahissons notre message ». Au contraire, ils sont là, bande de salauds, on va abattre le capitalisme. Là, c'est carte blanche, ils peuvent être ultra violents. Par contre, si jamais ils prennent à partie des mecs d'extrême droite, 2-3 mecs, qu'il y en a un par hasard, il pratique un peu la boxe, ou il est un peu costaud, il fout une droite, il étale un rouge, vous avez toute la gauche qui s'étouffe, quoi. C'est-à-dire qu'il est... Clément Méric. Clément Méric. Clément Méric, c'est ça. C'est-à-dire que Clément Méric et sa clique de bras cassés, ils avaient tendu un guet-apens à 2-3 gars d'extrême droite, ou de ce qu'ils avaient appelé des skinheads à l'époque. Bon. Donc c'était eux qui cherchaient la violence. Mais l'embuscade s'est mal tournée, enfin c'est mal terminé pour les mecs de gauche, puisque Clément Méric est resté raide mort sur le truc, mais simplement parce qu'il a pris une droite. Mais toute la gauche a hurlé à la violence fasciste. Putain, c'est les mecs, ils organisent l'embuscade, elle tourne mal, et là, la justice arrive en secours, donc la justice antifa arrive pour corriger le résultat de la rixe, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, merde, on les a pas étalés, bon, bah c'est pas grave, on leur fout de la tôle, voyez. C'est ça, en fait. Et il se scandalise avec un unanimisme contre la violence dite d'extrême droite, alors que les mecs faisaient que se défendre. Mais alors, eux, par contre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux dire. Et donc, en plus, tu remarqueras que la justice est expéditive. Ah bah oui, l'affaire Méric, c'était caractéristique. Ou alors, elle ferme les yeux. Dans l'histoire de Bastion Social, quand Bastion Social existait, ils avaient ouvert différents bars associatifs. Bon, évidemment, ok. C'était l'extrême gauche qui allait systématiquement créer des rixes aux abords de ces bars-là. Ils ont essayé de mettre d'en incendier un dans le centre de la France. Et ça, le feu avait commencé à prendre, ça avait failli se communiquer aux habitations voisines, parce que tout était mitoyen, c'était une rue dans le centre-ville. Ça avait failli faire flamber un pâté de maison. Aucune indignation, je veux dire, au niveau de l'Assemblée, au niveau des autorités. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? La violence d'extrême-gauche! Rendez-vous compte ce qui aurait pu se passer, faire brûler des femmes et des enfants. Il est temps d'en finir. Pas du tout. Silence de cathédrale. Ah oui, une enquête a été ouverte. Voilà. Vous voyez, c'est ce double discours permanent qui prévaut à gauche, c'est-à-dire que la violence de gauche est moralement légitime. Donc le pacifisme de ces gens-là est faux. Ils veulent que leurs ennemis soient pacifistes pour mieux les assassiner. Mais eux s'interdisent, plutôt deux fois qu'une, d'être pacifiques avec leurs ennemis. Plutôt deux fois qu'une. Donc il ne faut jamais être dupe de ces gens-là. Mais on est au cœur du truc, hein, je veux dire... Leur idée de la paix, la shalom, hein, en hébreu, hein, l'idée de la shalom, c'est leur paix. C'est leur paix à eux. C'est pas la paix, c'est leur paix, selon leurs termes, à leurs conditions. Regardez l'Ukraine, vous allez me dire que je dérive un peu, mais regardez l'Ukraine, c'est ça. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas le droit de défendre leurs intérêts, les armes à la main. C'est interdit. C'est illégitime, immoral. C'est consubstantiellement maléfique. Par contre, Zelensky peut mentir matin, midi et soir, recruter des mercenaires dans le monde entier, commettre des crimes de guerre, ça a été avéré, même la presse américaine a reconnu récemment que des soldats ukrainiens assassinaient des prisonniers de guerre réguliers russes, hein. Ça a été reconnu même par la presse occidentale. Tout est passé, parce que oui, mais c'est le camp de l'égalité, c'est le camp de la démocratie. Il a le droit d'assassiner les gens. Vous voyez, c'est ça le truc. Bon, c'est ce qu'on avait vu lors du deuxième conflit mondial, en fait. Voilà. C'est qu'en fait, c'est ce que pointait justement Carl Schmitt, et j'en termine. Carl Schmitt avait pointé du doigt ce truc-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nie sa dignité humaine à l'ennemi ou à l'adversaire, où on dit, en fait, vous n'êtes pas mon égal. En tant qu'être humain, c'est paradoxal, vous allez me dire, hein, eh bien, je peux tout vous faire. Et c'est ça qui est particulièrement fielleux avec la gauche, c'est-à-dire que la gauche, au nom de l'égalité, se permet de sortir de l'humanité toutes les catégories qu'elle n'aime pas. Et lui appliquer le traitement qui lui plaît. C'est-à-dire généralement un traitement carthaginois. Voilà, donc alors que dans la mentalité traditionnelle européenne, on reconnaît sa dignité à l'adversaire. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il a des intérêts, on comprend qu'il a recours aux mêmes méthodes pour défendre ses intérêts, et du coup, quand on cherche la paix, on est capable de comprendre ce qui a mené notre adversaire ou notre ennemi à prendre les armes, donc le traitement qu'on va lui imposer sera un traitement plutôt modéré. On va être capable de penser la position de l'adversaire et donc de modérer la conclusion du conflit, même si on le gagne. Avec l'avènement de la démocratie et de cette pensée absolutiste, vous êtes avec nous ou contre nous. Voilà, si vous êtes contre nous, on a le droit de vous anéantir. Personne ne peut nous juger. Vous voyez, c'est ça. Donc, alors, bon, je parle beaucoup et je brode un peu, mais je crois qu'on ne peut pas du tout comprendre le discours dominant qui prévaut en Occident, en Europe, en France, depuis l'avènement républicain, mais beaucoup plus depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas comprendre pourquoi on dénie la légitimité à certains et pas à d'autres, si on ne comprend pas ça. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de Marine Le Pen ou de Zemmour, etc., vous entendez souvent dire oui, mais ce ne sont pas des républicains, hein, ils ne sont pas dans le champ démocratique. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est, oui, mais ils n'ont, ce ne sont pas des êtres humains, entre guillemets. Vous voyez ? Donc on a le droit de tout leur faire. Vous avez qu'à regarder, hein. Marine Le Pen a été relativement épargnée, mais en toute honnêteté, je dois bien le dire, Éric Zemmour, ses meetings ont été attaqués par les Antifa, dans l'indifférence générale, hein. Je veux dire, ils ont systématiquement harcelé ses organisateurs et tout, personne ne s'est indigné. Imaginez les groupes d'extrême droite. C'est pareil pour les militants, d'ailleurs. Je me rappelle qu'il y a des militants qui ont reçu de l'essence sur la gueule. Ça, techniquement, si les magistrats et les procureurs faisaient leur boulot, ça, c'est la prison directe pour leurs agresseurs, sauf que non, tout va bien. Pour cette raison-là, c'est-à-dire que les magistrats en question ont l'impression de servir la grande cause de la religion démocratique. Et en dehors de la religion démocratique, point de salut. Donc finalement, les démocrates sont très proches de la méthode, des conceptions des musulmans. Les musulmans, c'est pareil. C'est-à-dire que les infidèles, si vous voulez, c'est des gens dont on peut disposer comme on entend. C'est ce qu'explique le prophète de l'islam dans le Coran. Encore une fois, je me répète, mais c'est ce qu'il explique. D'accord ? Voilà, je détiens la vérité. Dieu me l'a donnée par le Coran. Du coup, vous acceptez la vérité. En fait, c'est le test en fait, que les musulmans proposent à tous ceux qui rencontrent. Hein. Voilà, je te propose la vérité de l'islam. Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu la refuses ? Si tu la refuses, j'ai le droit de t'anéantir. Voilà, si les conditions sont propices, etc. Tu vois ? J'ai le droit de te soumettre et t'anéantir. Alors, il n'y a que les chrétiens et les juifs qui ont droit à un statut secondaire et encore, hein, selon certaines conditions. Par contre, les païens, c'est absolument clair. Les païens, c'est absolument clair. Ils ont le droit de les anéantir. Ils ont le droit de les anéantir. C'est-à-dire, je sais pas quoi, les hindouistes, etc. Ils ont le droit de les assassiner sur le... Voilà. Mais les démocrates réagissent exactement de la même manière. C'est-à-dire que les démocraties font des guerres partout dans le monde au même titre, vous voyez. Voilà, vous avez... Mais, oui. Oui, mais c'est exactement ça. En fait, c'est des gens qui fonctionnent avec un moralisme, en fait. Il n'y a rien d'autre, en fait. Leur doctrine, que ce soit le wokisme, le féminisme ou que sais-je, ça a toujours fonctionné sur nous avons la supériorité morale, donc nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est comme, par exemple, le démocratisme, justement, c'est peut-être là qu'a vraiment commencé cette religion, en fait, du progrès. C'est que, en gros, les types, ils disent non. Alors, surtout, il faut respecter les droits internationaux, mais quand il s'agit de nous, de la démocratie, là, on peut se permettre de pilonner des capitales, des pays entiers, c'est pas un problème. C'est tout le cœur du problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont créé une sorte de nouvelle religion avec un espèce de mélange de principes chrétiens et de principes marxiens, et on se retrouve avec une bête incontrôlable, en fait. Oui, et juifs aussi, parce que vous avez beaucoup de juifs qui sont à l'avant-garde, hein, de ça. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un christianisme. J'ai dit marxiste, donc forcément. Oui, c'était ça. Mais je veux dire, c'est sur les ruines de la mentalité chrétienne qui effectivement pense de manière linéaire, ascensionnelle, donc la eschatologique, sécularisée, récupérée par la gauche étant, selon moi, la version sécularisée, hérétique du point de vue catholique, mais sécularisée du christianisme, dont la tête est prise par des agitateurs juifs. Hein, donc les juifs sont des activistes, ce sont des gens qui ont un état d'esprit missionnaire. On les voit là, hein, c'est Glucksmann, c'est Lévy, c'est Zelensky. On voit cette énergie destructrice dont ils sont capables, dont était capable Trotsky. Et on a bien vu que l'Union soviétique, par exemple, l'URSS, en fait, elle a cessé d'être agressive quand Staline en a terminé avec la présence juive à la tête de l'Union soviétique. C'est qu'à la minute où il a russifié la tête de l'Union soviétique, elle a perdu sa dynamique révolutionnaire. Elle s'est slavisée, elle s'est en quelque sorte posée, elle s'est stabilisée et elle a cessé de vouloir répandre la révolution au niveau mondial. Alors que Trotsky et tous les autres juifs bolcheviques, eux, n'avaient qu'une idée en tête, c'était de répandre la révolution, enfin le chaos juif partout. Et cet allant messianique juif, on le retrouve aujourd'hui à la tête des démocraties occidentales. La démocratie occidentale étant vraiment une forme de religion, comme on l'a bien dit, comme on l'a bien exposé, quoi. Mais c'est toute cette mentalité. Alors après, il y a tout ça, c'est des formes hérétiques en fait, hein, de christianisme originel, donc des dévoiements, des rafistolages, des formes sécularisées. Alors il y a des sous-sectes et tout. Tout ça, c'est confus, c'est bordélique, c'est parfois contradictoire. Enfin, c'est ce qu'on affronte, quoi. C'est cette matrice qu'on affronte en permanence. Donc il y a toujours des sous-sectes. Et ça fonctionne toujours sur le thème de l'exclusion. C'est ce que je disais. C'est avec vous ou avec nous ou contre nous. Le système wokiste, c'est ça, c'est juste une des nouvelles hérésies de la pensée juive. C'est une nouvelle hérésie de la pensée juive, enfin, c'est une nouvelle hérésie chrétienne, matinée de judaïsme, si vous voulez, quoi. Hein, c'est ça, c'est l'égalité radicale avec cette pensée sectaire venue de Judée, quoi. Il n'y a rien à faire, c'est toujours la même chose. Hein. Et ça vient pas d'Asie, hein, ça vient des États-Unis d'Amérique, des campus américains qui sont tenus par des Ashkénazes. Voilà, c'est... Et en fait, je pense que pourquoi j'insiste là-dessus, pourquoi il faut insister là-dessus, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre ce contre quoi on lutte si on ne comprend pas cette mentalité. Donc cette mentalité messianique, égalitariste, destructrice et hypocrite qu'on a décrite. Si on ne comprend pas cette espèce d'état d'esprit, de structure mentale, si on ne comprend pas cette structure mentale, on ne sait pas ce qu'on affronte. D'accord ? Et c'est vraiment, je comparais ça à un rouleau compresseur. Ces gens ne font jamais de compromis. Jamais de compromis, sous aucune forme. La seule façon de résister à ça, c'est d'être plus radicaux que ces gens-là. Voilà. C'est ce qu'a appris le national-socialisme, d'ailleurs. Les national-socialistes, pour moi, le grand apport du national-socialisme, c'est qu'ils ont étudié de très près la mentalité judéo-marxiste, donc en fait le messianisme juif révolutionnaire, ils l'ont étudié de près et ils ont dit, voilà, il faut être plus radicaux que ces gens. Et du moment, et ça c'est pratique, c'est-à-dire que c'est ce qu'ont fait les national-socialistes. Hitler en parle beaucoup dans Mein Kampf d'ailleurs, et à d'autres occasions d'ailleurs, Goebbels aussi. Et en fait, ils ont dit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié les marxistes, on a pris leurs méthodes et on les a employées contre eux. Et on les a employées contre eux avec encore plus d'énergie et de zèle. Et du moment où on a employé leurs méthodes contre eux avec plus d'énergie et de zèle, tout d'un coup, les marxistes ont été déstabilisés. Et les national-socialistes allaient dans les meetings des communistes. Ils allaient dans les meetings des communistes, dans la salle, avec des gros costauds, etc. Ils coupaient le meeting, ils intervenaient quand il y avait un coco qui se mettait à parler, à brailler sur le thème de la révolution, etc., du prolétariat mondial, ou je ne sais. Tout d'un coup, les national-socialistes se mettaient à balancer des bocs de bière à la gueule de l'orateur, ils montaient sur l'estrade, d'autres commençaient à claquer la gueule de tous les mecs qui étaient autour. En fait, il s'agissait juste de créer l'esclandre, pour que la presse s'en parle, là, les national-socialistes sont intervenus, c'est-à-dire de passer à l'offensive contre les rouges. Vous voyez ? Et vous savez, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Mais en fait, moi, c'est ce que je constate, c'est que tant que les gens de notre sensibilité restent sur la défensive, ils ne pourront jamais, jamais gagner. Alors, rubrique suivante, rubrique numéro 2, mythologie. Je voulais en parler quand même, parce que c'est absolument... Là, c'est raccord avec ce qu'on vient de dire. Mais surtout, ça montre précisément que les gens dont on parlait précédemment ne reculent devant rien. Alors je vous lis cette brève qui nous vient de la Deutsche Welle, donc qui est un média d'extrême gauche d'État allemand. Excusez-moi, mais c'est ça, hein, c'est un média d'État allemand, mais en fait, c'est quand vous lisez la prose, c'est à la gauche de Libération. Je ne peux pas vous dire autrement. Alors, la célèbre néo-nazie Ursula Haverbeck a été condamnée vendredi à Berlin à une peine de 12 mois de prison pour avoir nié le meurtre de plus d'un million de juifs au camp de la mort d'Auschwitz. Le tribunal a rejeté l'appel de la femme de 93 ans pour des condamnations en 2017 et 2020 prononcées à son encontre pour des cas répétés de négationnisme. Vous n'êtes pas une chercheuse de l'Holocauste, vous êtes une négationniste, a déclaré le président du tribunal, ajoutant « ce n'est pas de la connaissance que vous diffusez, c'est du poison ». Haverbeck a été condamné à 6 mois de prison en 2017 après avoir nié à plusieurs reprises les faits historiques, j'aime bien la phraséologie, hein, les faits historiques de l'Holocauste lors d'un événement à Berlin. Elle a ensuite été condamnée à une nouvelle peine à 12 mois de prison en 2020 pour avoir publié une interview en ligne dans laquelle elle a de nouveau fait des déclarations niant l'Holocauste. Le juge a déclaré que les actions de Mme Haverbeck découlaient de ses propres convictions et que la décision d'emprisonner cette femme de 93 ans était nécessaire car il n'y avait pas d'autre solution. « Il n'y a rien qui puisse vous arrêter », a dit le juge à Haverbeck. Nous n'aurons aucun impact sur vous avec des mots. » Ça me rappelle les propos de Thierry Lévy, l'avocat hein, aujourd'hui décédé, dit le Cyclope. Hein, d'abord, il y a les mots, ensuite, il y a les coups. Hein, voilà. Bon, alors, est-ce qu'on peut réagir un petit peu là-dessus quand même? Donc, Ursula Haverbeck est une femme de nationalité allemande, bien sûr, qui courageusement ni les mensonges de guerre promus d'abord par l'Union soviétique et les Juifs à propos de cette mystification à propos de l'Holocauste, etc. Déjà condamnée à 2 ans de prison, qu'elle a purgé courageusement, extraordinairement courageusement, et on la condamne à nouveau à 12 mois de prison en disant, voilà, comment va-t-on arrêter une grand-mère qui dit des trucs? Dixit le tribunal de Berlin, ben on va l'arrêter en la foutant en prison. C'est-à-dire que vous imaginez la solidité un petit peu de la République fédérale d'Allemagne, de la justice allemande et de la version officielle en question. C'est-à-dire que comment stopper une nonagénaire qui parle à propos d'un truc hein, sur les Américains, c'est en la foutant en tôle. Quoi. On n'a plus que ça. Voilà. Alors j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Déjà, si je peux me permettre, il y a quelque chose qui m'énerve, mais à un point, tu n'imagines pas. C'est que on te donne le nom de la personne qui est condamnée. Par contre, on ne donne jamais le nom de la saloperie de juge qui lui a collé un nom de tôle. Ça, jamais. Le nom du mec, ça n'atterrit nulle part. Je trouve que c'est particulièrement injuste, parce que ce genre de gars, s'il se présentait dans mon magasin, par exemple, je refuserais de le servir. Oui, au minimum, oui, oui. Quelqu'un d'autre sur cette décision de justice? Je voulais citer ça absolument. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas une chercheuse, d'accord? Elle dit que des mensonges. Donc le mec, c'est son postulat de base, c'est ça, d'accord? Donc forcément, elle rétorque, attendez. J'ai des preuves, j'ai des documents, des témoignages. Non. On dépape avec vous. C'est décrété. Vous êtes une menteuse parce que mon cul. Parce que voilà, ça a eu lieu. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a eu lieu. C'est comme ça. Ça a eu lieu. C'est vrai. Alors que c'est un fait historique, donc par nature, t'en débats. D'ailleurs, t'en penses ce que tu veux. Mais là, non, c'est non. Non, désolé, tu peux pas avoir d'opinion là-dessus. Tu ne peux que répéter ce que le gouvernement a décidé que tu devais répéter. Voilà, c'est extraordinaire, hein, c'est la démocratie. Tu peux que répéter que les conclusions d'un tribunal militaire des Alliés juste après la guerre est extrêmement partisan. Voilà, bon, d'accord. C'est extrêmement partisan. Et la démocratie. C'est une cour martiale en bon français. Hein, je veux dire, le tribunal de Nuremberg, oui. C'est une cour martiale, pratiquement. Enfin. On va dire non parce que c'est pas appliqué à l'armée en question, enfin à sa propre armée, mais en gros c'est un tribunal militaire, ça veut rien dire. Enfin la justice militaire, bon bref, vous avez bien compris. Donc non mais ça fait la jonction avec ce qu'on disait précédemment sur l'hypocrisie fondamentale des démocraties. Et de l'idéologie profonde qui les anime, avec la démocratie religieuse, la mystique qui anime les démocraties, qui leur permet, qui leur donne l'autorité d'après elle, comment dire, de proclamer anathème et d'excommunier ceux qu'elles n'aiment pas et ensuite de leur appliquer le châtiment que bon leur semble à la personne excommuniée. En gros, c'est ça. On est retombé sous le poids des Juifs. On est retombé dans le droit religieux d'origine levantine. Ni plus ni moins. Voilà. C'est tu contestes la vérité de ma tribu, je te condamne à la prison. Peu importe les faits, peu importe les arguments, c'est pas le sujet. C'est, tu contestes l'autorité. Dans un premier temps, on te condamne à la prison. Il faut bien se rendre compte que ces gens sont en train de gagner des points énormes. Donc, dans un premier temps, on te condamne à la prison. Arrivera un moment où, dans un premier temps, on te butera purement et simplement. Bah, en tout cas, moi, j'invite les gens à méditer sur ces fameuses démocraties qui prétendent envoyer des armes en Libye, en Syrie, maintenant en Ukraine, pour défendre la justice universelle et qui jettent des grands-mères de 93 ans qui ont dit des trucs en prison parce que, visiblement, le régime se sent en danger quand elle parle d'un truc qui a eu lieu ou aurait eu lieu il y a 76 ans. Bah, je veux dire, c'est drôle de démocratie qui parle sans cesse de liberté, de trucs, bah, visiblement... ça devient quand même de plus en plus tendu, quoi. Hein. Et c'est tellement vrai, d'ailleurs, que je ne peux pas m'empêcher de vous citer cette autre dépêche qui nous vient du Canada. Alors, je cite ici Radio-Canada. Donc, c'est tout frais, 9 avril 2022. « La négation de la Shoah est en voie d'être interdite au Canada dans un effort supplémentaire pour éradiquer l'antisémitisme. » Alors, moi, j'aimerais bien comprendre le rapport. Je veux dire, donc t'as pas le droit d'avoir un point de vue historique critique par rapport à la version officielle de la Deuxième Guerre mondiale relativement au génocide prêté aux national-socialistes contre les Juifs, et l'antisémitisme qui est une hostilité de principe vis-à-vis des Juifs, voilà, parce que je sais pas, t'aimes pas leur religion, ou t'aimes pas leur faciès, ou t'aimes pas leur... je sais pas quoi, bah bon. Ils établissent un rapport logique qui n'existe pas. T'as le droit quand même de contester une version officielle de faits historiques. Quel rapport avec une hostilité de principe que t'aurais vis-à-vis des Juifs ? Et ensuite, je pose la question, est-il légitime d'avoir une hostilité de principe vis-à-vis des Juifs ? Moi, je pense qu'on a le droit d'être antisémite. Bien sûr qu'on a le droit d'être antisémite. Ah oui, oui. Oui, bah oui, on a le droit d'être antisémite. Si de son point de vue, il y a des raisons concordantes, hein, voilà, des indices graves et concordants. T'as le droit d'être antisémite, je veux dire, après tout. Je vois pas pourquoi, pas le problème. Je veux dire, il y a bien des gens qui sont antichrétiens, je veux dire, on s'en étouffe pas. Hein. C'est là qu'ils disent, non, mais vous vous rendez pas compte, justement, on peut pas être antisémite parce qu'il y a eu l'Holocauste. Ah oui, d'accord, donc en fait, j'ai pas l'air de vous critiquer aujourd'hui parce que vous me sortez votre histoire à dormir debout d'il y a 80 ans. D'accord, et vous voulez pas... Non mais voilà, donc du coup, j'ai pas l'air de remettre en question vos faits complètement délirants d'il y a 80 ans parce que sinon, je vais être antisémite aujourd'hui. Voilà, donc je dois fermer ma gueule tout court. Ça fait penser à Pascal Pro sur CNews qui disait non, mais attendez, il y a la laïcité, donc on a le droit de dire des choses contre les chrétiens, contre les musulmans, contre les. Hop, et puis il n'a pas fini sa phrase. Et puis, la caméra, elle a fait un zoom sur l'Elisabeth Lévy. Là, ah ouais, la grosse. Déjà... Ouais, je vois la Lévy là, putain. Je connais pas son caviste, mais il doit pas le servir le meilleur. Hein. Putain. Oh la vache, putain. Oh là là là là là. C'est les fins de cave du pays d'Oc qui doivent se frotter les mains, hein, franchement. Bon, bref, je m'égare un peu. Alors, regarde, donc le Canada, ça y est, c'est bon, quoi. Voilà, ils vont proclamer la loi religieuse de Yahvé. Vous n'avez pas le droit de tousser sur l'Holocauste, hein. C'est bien dommage, parce qu'il y a eu un procès dans les années 80. Alors, évidemment, hein, bon, mais Forissons, une d'elles. Forissons, simplement témoin, hein. Mais une d'elles, qui avait été très, très, très évocateur. Évidemment, bon, les juges avaient fini par donner raison au bonimenteur juif, mais le compte rendu qu'en avait fait Forisson est absolument édifiant. Absolument édifiant. C'est-à-dire que. On avait eu comment il s'appelait le Raoul Hilberg. Le pauvre. Ah oui, oui, qui est musique. Qui avait été acculé jusqu'à la défaite, lors du procès. C'est incapable de fournir la démonstration de ce qu'il affirmait. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que vous avez une preuve de l'existence de chambre à gaz ? Non. Voilà. C'est incroyable. Ouais, c'est-à-dire qu'à la barre, donc c'était lors d'un procès dans les années 80, je sais que nos auditeurs ne sont pas forcément familiers de ce genre de trucs, mais il faut savoir ce genre de choses. lors de ce procès face à Zundel, qui était un révisionniste, qui disait que ce qu'avait affirmé la propagande alliée soviétique et juive sur cette histoire à dormir debout de chambre à gaz ne tenait pas la route, il avait fait des recherches, il avait apporté beaucoup d'éléments sur la table. Lors du procès contradictoire qui a duré des mois au Canada, parce que Zundel résidait au Canada à ce moment-là, il y a eu d'intenses débats historiques très sérieux, et acculé face aux éléments que n'arrêtaient pas d'apporter les révisionnistes sur la table lors des échanges, on lui a demandé, mais alors comment vous expliquez l'Holocauste ? Parce qu'il n'y avait pas de plan, pas de budget, rien, pas de documents, si, on ne trouvait rien. Et le mec a dit ça à la barre. Il a dit, non mais en fait, c'est une incroyable rencontre des esprits entre les dirigeants allemands qui ont permis cette synchronicité des événements. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux... T'as pas d'ordre, t'as rien, mais en fait, les mecs étaient tous d'accord au même moment, ils se sont mis à faire la même chose au même moment. Enfin, tu dis, c'est pas possible, quoi, je veux dire. Et le mec est un universitaire qui a fait un bouquin, vous trouvez dans toutes les universités, mais toutes les universités de France et de Navarre, partout. C'est la destruction des Juifs d'Europe. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, vous allez dans la bibliothèque universitaire, vous allez nécessairement trouver ce truc. C'est inévitable. C'est considéré comme la Bible du Beans. L'auteur de ce truc... Et dans truc, ce bouquin... Bah, l'auteur dans, de ce dans truc... Dans ce bouquin, vous pouvez chercher quand même le passage principal, c'est que tout le monde attend. Ok, voilà. L'arme du crime, la chambre à gaz. Vous pouvez la chercher dans le bouquin à page 1, 2, 3. Vous pouvez faire en large, en travers. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... C'est Forisson qui a trouvé les plans. Mais c'est authentique, en plus. C'est Forisson a trouvé les plans. En 1985, a eu lieu un formidable procès, un procès à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire extrêmement sérieux, à Toronto. L'accusé était un Allemand établi à Toronto qui s'appelait Ernst Zundel, Z-U-N-D-E-L. Et Ernst Zundel avait diffusé une brochure anglaise qui s'appelait « Did 6 million really die ?»« En est-il vraiment mort 6 millions ?» L'auteur de cette brochure soutenait la thèse révisionniste. Il a donc, Ernst Zundel, été assigné en justice. Énorme procès. J'ai été, en quelque sorte, le conseiller technique de son avocat. Et il s'est produit un événement important. Pour la première fois, eh bien, les témoins ont été contre-interrogé. Voici ce qui s'est passé. On l'a fait venir, le plus grand spécialiste de l'histoire de l'Holocauste ou des génocides, c'était précisément Raoul Hilberg. Raoul Hilberg ne s'y attendait pas, il a été sévèrement contre-interrogé. Ça a été un désastre pour lui. On a également fait venir le meilleur des témoins possibles. Il s'appelait le docteur Rudolf Verba, V-R-B-A. Il avait écrit un livre, ce docteur Rudolf Verba, qui s'appelait « Je ne peux pardonner » ou « I cannot forgive ». Et Verba, lors du contre-interrogatoire, a été obligé de reconnaître eh bien, qu'il avait utilisé la « licentia poetarum ». Il l'a dit en latin, puis il l'a dit aussi en anglais. « Poetic license », la licence poétique. Autrement dit, il avait raconté des histoires. Ça a été un désastre pour lui. Maintenant, quand je dis désastre pour Hilberg, le meilleur des spécialistes possibles, désastre pour Verba, le meilleur des témoins possibles, ce n'est pas un jugement personnel, car voici ce qui s'est passé. En 1988, il y a eu un second procès Zundel, car le premier a été cassé. Le jugement du premier a été cassé. Et là, le procureur s'est posé la question de savoir s'il allait faire venir des témoins, et il a décidé qu'il n'en ferait pas venir, car le contre-interrogatoire était trop terrible. Et Raoul Hilberg, par une lettre confidentielle, mais qu'il a fallu rendre publique, a confessé au procureur qu'il gardait un amer souvenir du contre-interrogatoire 1985 et il ne souhaitait pas renouveler l'expérience. Et peu à peu, on en est arrivé à ceci. Essayons de résumer les choses. On me dit, les accusateurs de l'Allemagne me disent, et je l'ai cru, je l'ai très longtemps cru, que Hitler avait donné l'ordre de tuer les Juifs, qu'il avait un plan pour les tuer, et on me parlait de la conférence de Wannsee, qu'il y avait un budget, qu'il y avait des instructions, etc. Ça, c'était le crime. Quant à l'arme spécifique de ce crime spécifique, on me disait que c'était la chambre à gaz homicide fonctionnant au cyclone B ou à l'acide cyanhydrique, principalement, n'est-ce pas? Et surtout à Auschwitz. Or, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'ordre. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de plan. Les historiens ont renoncé depuis longtemps à l'histoire de Wannsee. Il n'y a plus que quelques journalistes pour y croire. Qu'il n'y avait aucun budget, qu'il n'y avait aucune trace d'aucune instruction d'un pareil crime. Et maintenant, on s'aperçoit que la chambre à gaz elle-même est totalement mythique. À ce procès de 1988, nous avons fait venir un expert des chambres à gaz américaines. Son nom est Fred Leuchter, L-E-U-C-H-T-E-R. Fred Leuchter croyait aux chambres à gaz allemandes. Il ne s'était au fond jamais posé la question. Il réagissait en chien de Pavlov, comme tout le monde. Il répétait chambre à gaz, hitlérienne, parce que tout le monde le disait. Et je lui ai montré ma documentation, il a été ébranlé, puis nous lui avons monté d'autres documents, tout ce que j'avais pu découvrir, et il a accepté pour Ernst Zundel, pour moi-même, d'aller à Auschwitz, à Birkenau et à Majdanek pour voir ce qu'il en était de ces fameuses chambres à gaz, de ces endroits présentés comme chambres à gaz, ou bien en état d'origine, ou bien à l'état de reconstitution, ou à l'état de ruine. Des ruines, c'est toujours très parlant. Et sa conclusion, au terme d'un très long rapport, a été formelle. Ces endroits n'ont jamais été, ces endroits n'ont jamais pu être des chambres à gaz homicides. C'est le très fameux rapport Leuchter qui a été publié en un très grand nombre de langues. Ce rapport lui-même a reçu une confirmation stupéfiante. Et ceci est une information qui ne vous a jamais été donnée par la presse française. Pourquoi? Bien, vous trouverez la réponse. Les Polonais eux-mêmes du musée d'Auschwitz ont décidé, en catimini, de faire procéder à une expertise. Il faut que vous sachiez une chose, l'acide cyanhydrique a la particularité de rester pour des siècles dans la pierre, dans la brique, dans le mortier, etc. De se combiner avec ce qu'il y a de fer dans ces choses-là. Et par conséquent, par une analyse, on peut très bien voir si un endroit a reçu ou non beaucoup d'acide cyanhydrique, ce qui aurait dû être le cas des chambres à gaz homicides, des locaux présentés comme tels. Les Polonais ont donc fait faire cette expertise et à leur grande surprise, ont découvert que Leuchter avait absolument raison dans ses analyses qu'il avait confiées à un laboratoire américain de haute réputation. Et ils ont caché non seulement qu'il y avait une enquête de leur part, mais le résultat de l'enquête. Nous savons que dans leur enquête, ils disent « Oh ben oui, il ne fallait pas s'attendre à trouver des traces », ce qui est faux. Ensuite, il y a une expertise faite par un prestigieux chimiste allemand, Germar Rudolph, du Max Planck Institute, R-U-D-O-L-F, Rudolph. Et puis, il y a une expertise faite par le président de la Chambre des ingénieurs d'Autriche, Walter Lüften. Donc, quatre expertises. Les quatre réponses sont là. Ce n'était pas possible. Je voudrais bien sûr entrer dans les détails. Et je voudrais surtout vous parler des témoins. Comment se fait-il qu'il se soit trouvé des témoins pour parler de chambre à gaz? Eh bien, lorsque vous y regardez de très près, et lorsque vous interrogez quelqu'un qui se dit avoir été témoin de cela, très vite vous apercevez qu'il s'agit d'un leurre. Je regarde ces gens-là, les yeux dans les yeux, et je leur dis, vous vous déclarez témoin vivant de ça, du gazage. Vous dites, monsieur Forisson, comment osez-vous dire qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz alors que moi-même, regardez le numéro de tatouage que j'ai sur ma main, sur mon bras, comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz? Et je leur dis, écoutez, regardez-moi bien dans les yeux, si vous avez vu cela, vous allez me le décrire. J'ai besoin d'une description de cette arme, dont je ne trouve de description, en fait, nulle part. À chaque fois, la réponse est la même. Si j'avais vu cela, je ne serais pas là pour vous en parler. Autrement dit, c'est quelqu'un qui avait cherché à faire pression sur moi, et puis quelqu'un qui racontait des histoires. Et les livres, les rares livres de prétendus témoignages se copient les uns les autres, et il est très facile, quand on connaît les plans et quand on connaît les lieux, de montrer l'inanité totale de ces inventions. Enfin, je me suis dit, comment peut-on, quand on a fait une espèce de très long voyage, de très long parcours, comment peut-on simplifier les choses? Je crois avoir trouvé la solution. Cette solution tient en un défi que j'ai lancé en mars 1992 à Stockholm, où j'étais reçu par une meute de journalistes écrivant des horreurs sur mon compte. C'était presque une émeute là-bas. J'ai dit, je ne réponds pas aux questions des journalistes, mais j'ai un défi pour eux et je leur laisse 24 heures pour répondre à ce défi. Je leur ai dit en anglais, « Show me or draw me a Nazi gas chamber. » Montrez-moi ou dessinez-moi une chambre à gaz nazie. Donc, ils sont obligés de recourir de plus en plus à la répression. Est-ce qu'il y a seulement une loi qui menace de prison quelqu'un qui nie que le Christ ait jamais existé? Ça n'existe pas. Alors pourquoi c'est interdit de dire que l'Holocauste n'a pas existé? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est le lavage de cerveau. Voilà. Donc, tant que cette loi de bandits juifs existera, c'est une mystification de parler d'une société libre, etc. C'est absolument faux. Nous sommes sous une dictature religieuse juive d'apparence séculière. Voilà. J'en termine là. Je donne excuse-moi, Gandalf, mais quand tu dis est-ce qu'il y a une loi qui dit que Jésus-Christ aurait pu ne pas exister, en ce moment, elle n'existe pas. Mais dans les années 80, nos petits copains youpins ont assigné le Vatican et certaines maisons d'édition en justice parce que ce qui était écrit dans la Bible ne leur convenait pas. Et je conseille vivement à toute personne d'aller chez des bouquinistes, de prendre des Bibles éditées dans les années 30, dans les années 20 et autres, et de les comparer aux fumisteries actuelles qui sont vendues. C'est très révélateur. Oui, absolument. Donc voilà, donc, nous, enfin, notamment, après, il y a des modifications dans la liturgie aussi. Vous savez qu'à Pâques, on prie pour la conversion des Juifs, normalement, en tout cas, quand on est vraiment catholique et qu'on suit la doctrine catholique à la lettre, et c'est complètement caviardé. Complètement caviardé. Alors, dans les communautés traditionnelles, on le fait, oui. Oui. Vous savez, c'est, on garde, bien sûr, on n'a pas apporté de modification. Hein. On a... Les gens ne sont pas contre les réformes liturgiques, c'est juste qu'ils sont contre les réformes liturgiques absurdes, d'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui est resté, c'est que, donc, pour Pâques, bien sûr, c'est une messe bien plus longue et particulière que les autres messes de l'année, comme celle de Noël, d'accord. C'est quand même deux messes très particulières dans l'année, où en fait, généralement, on alterne pour la messe tridentine, entre des moments où le public va être debout ou va être à genoux des moments de prière. Mais pour l'appel à la conversion des Juifs, on ne se met pas à genoux. Et c'est important, je tiens à préciser. C'est très important. En fait, c'est la religion de l'Holocauste, hein, c'est un moyen de soumettre les peuples blancs. Le Canada va s'y mettre, ils ont une importante communauté juive extrêmement agressive, extrêmement militante. Trudeau est un idiot des Juifs. Et l'Allemagne, c'est criminel ce qui a été fait à l'Allemagne. Alors je sais qu'il y a un contentieux ancien entre la France et l'Allemagne qui me paraît malheureux historiquement au fond, parce que ça a été une question de redéfinition des frontières pour au fond, pour finalement des territoires d'une dimension assez modeste. Et au fond, si on avait eu des hommes politiques plus avisés. De part et d'autre, j'entends. La France a été souvent poussée dans la guerre. D'ailleurs, là, il y a eu des dirigeants français assez stupides pour suivre, mais c'est flagrant. Quand on étudie l'histoire des deux guerres mondiales, on voit les puissances anglo-américaines. Donc, en fait, là, vraiment, hein, vraiment la finance anglo-américaine et juive en action poussait la Russie, la France, l'Allemagne dans des confrontations extrêmement sanglante pour ramasser la mise. Moi, c'est ce que je vois avec l'Ukraine d'ailleurs, qui est en train de se profiler, et je ne veux surtout pas que ça se réédite. Vous voyez? Donc, c'est ce qui m'anime en ce moment. Mais une fois que le pays est vaincu, on le soumet. Et le sort qui est fait à l'Allemagne et à la France d'ailleurs, parce que c'est étonnant. La France, officiellement, moi j'invite les Français à méditer là-dessus, officiellement la France en 1945 est une puissance victorieuse. C'est un pieux mensonge, hein, on le sait. Enfin bon, De Gaulle, par, il faut le reconnaître, un certain talent politique, réussit ce tour de passe-passe assez extraordinaire de faire figurer la France parmi les puissances victorieuses. Bon. Donc sur le papier, la France fait partie des puissances victorieuses. Ce qui lui permet d'ailleurs de participer au Conseil de sécurité de la nouvelle organisation que sera l'ONU. Donc si la France encore aujourd'hui a un siège à l'ONU, c'est parce qu'elle est officiellement, selon en fait, l'histoire officielle, elle fait partie des puissances victorieuses. Bon. Militairement, on pourrait... Bref, mais c'est pas le sujet. Et elle est traitée, aujourd'hui, par l'action de Bernard-Henri Lévy, par l'action de la 5e colonne juive en France, comme une puissance vaincue. C'est-à-dire qu'on parle finalement... Alors, on cite De Gaulle quand... Les Juifs citent De Gaulle quand ils ont envie de faire une crapulerie, en fait. À chaque fois qu'ils ont envie de faire une crapulerie, ils citent De Gaulle. C'est pareil avec Macron, je veux dire, ou Hollande, quoi. Quand ils vous font passer une loi de crapule, ils citent De Gaulle. Ils disent « Ah oui, mais voilà. » En gros, si De Gaulle était là, il ferait ça, quoi. Voilà, bon. Mais en réalité, c'est pour faire de la une politique profondément juive. Et en réalité, on passe le plus clair du temps, et le reste du temps, à criminaliser le peuple français. On le dit « Mais en fait, vous êtes un peuple de collabos. Hein, vous êtes à Pétain, en réalité, bande de salopards. Bon, alors, donc vous n'avez pas voix au chapitre. Voilà, vous êtes une nation de collaborateurs, vous êtes une nation de salopards. Et en fait, vous êtes pire que les Allemands. Parce que les Allemands, au moins, eux, ils avaient pour eux d'être des vainqueurs. C'est-à-dire d'être une puissance militaire qui avait des mérites militaires pour fixer son nouvel ordre. Mais vous êtes des vaincus, vous êtes des perdants. Et en plus, vous collaborez avec les vainqueurs. Mais vous êtes moins que de la merde. Vous êtes pire que les Allemands. Vous voyez, c'est ça qu'on enseigne aux Français. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ce qui est fait quotidiennement à la population française. Et quoi qu'on en pense, même quand on n'est pas d'accord, mais qu'on est exposé en permanence à ce truc-là, eh bien, inconsciemment, on finit par l'intégrer. On finit par être sur la défensive, on finit par être culpabilisé à tel point qu'on se dit « je vais me taire, je ferme ma bouche, je ne dis plus rien. Je me tais, je me soumets. Vous vous soumettez, les autres se frottent les mains, et là commence le viol collectif. » C'est ça qui s'est passé en France. Donc, ils ont réussi à défaire le tour de force politique de De Gaulle. C'est quand même pas rien de la part des Juifs. C'est quand même pas rien de la part des Juifs. Et les Allemands, bah, eux, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire qu'on leur dit « Non, mais de toute façon, vous pouvez pas parler parce que vous êtes des nazis. » En gros, c'est ça. Zelensky leur a fait le numéro. Il a parlé au Bundestag. Il a dit « Vous me filez des armes, vous filez du pognon. Et vous coupez le gaz russe. » Donc ça veut dire, en gros, destruction de l'économie russe, et lui, il pille les caisses pendant ce temps-là pour aller saigner des Slaves, il envoie des larbins à lui, tuer des Russes, et il est content. Donc en fait, c'est la tribu qui fait son numéro, quoi. Et tous ces cons d'Allemands, au Parlement j'entends, hein, ils étaient en train d'applaudir ce trou du cul de Juifs. Pourquoi ? Le mythe de l'Holocauste. Il a qu'un mot à dire, et ils sont tous gelés. La rééducation produit ses effets. Vous comprenez? Donc, comment voulez-vous ne pas lutter bille en tête contre cette saloperie qu'on appelle la religion de l'Holocauste? Comment voulez-vous ne pas lutter bille en tête contre ça? Oui, c'est vrai qu'en plus, j'allais dire, ça touche pas seulement l'Occident, ça touche tout le monde blanc, en fait. C'est-à-dire qu'en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Russie, tout le monde est... touché par cette holocauste de merde, et on se retrouve avec une situation où, comme tu disais sur une émission, là, il y a Poutine qui se met à parler de dénazification de l'Ukraine, et en face, vous avez l'Occident qui traite Poutine de nouveau Hitler. Enfin, on vit dans un monde de fou, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se traite de nazi. Et pendant ce temps, bah, c'est toujours les mêmes qui se frottent les mains, parce que là, on a quand même Israël qui vient en grande pompe nous expliquer qu'ils sont en train d'amener la... ils vont potentiellement amener la paix entre l'Occident et la Russie. Donc c'est on voit qui c'est qui tire les ficelles, Ouais. en tout cas. Je suis d'accord avec ça, bien sûr. Ça peut paraître évident vu de l'extérieur, enfin, souvent dans nos milieux, donc on va dire les milieux nationalistes, identitaires, certains peuvent être tentés de dire, mais non, mais vous savez, c'est des histoires du passé, etc. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit des histoires du passé. Mais le pouvoir en place s'assure de nous rappeler quotidiennement que c'est tout sauf une histoire du passé. Et si les identitaires et les nationalistes sont criminalisés, c'est précisément parce qu'on nous rappelle la jurisprudence Nuremberg. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler maintenant, sur un autre sujet d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a une tentation qui existe dans le milieu de dire oui, vous savez, ça s'est passé, etc. Après, si tu veux, moi je pense quand même que on est à un moment où en fait ça fait quand même 80 ans que ce truc a eu lieu. Et j'ai le pouvoir juif, je pense qu'il est en perte de vitesse. C'est pour ça qu'il s'agite autant, justement, parce que il voit bien que la Shoah, ça prend de moins en moins, quoi. Je veux dire, plus le temps passe, plus les gens. Moi, Il y je a de vois plus très en plus de bien. bougnoules aussi, il faut dire. Hein. C'est pas une Aussi. population très. Hein. Entre les boomers qui disparaissent et les bougnoules qui se multiplient, c'est vrai que les clients sont de moins en moins nombreux quand même, effectivement. Oui, voilà. En plus, on arrive dans un monde où quand même il y a des superpuissances comme l'Inde et la Chine qui sont en train d'émerger. Et eux, bon, la Shoah. Oui, c'est pas tout à fait leur préoccupation du matin, c'est sûr. J'irais même, c'est plutôt le contraire dans le cas de l'Inde, puisqu'on retrouve quand même pas mal d'Indiens qui sont fans du Führer, donc les Juifs doivent. Ah oui, ça c'est un fait. Hein. Je veux dire, la criminalisation d'Adolf Hitler n'est vraiment prégnante qu'en Europe occidentale, hein, ou même en Europe de l'Est éventuellement. Mais par contre, en Asie, c'est pas du tout ça. Hein. Je veux dire, vous pouvez être un ami du Führer et En tout. Asie, ho Oh, oh, oh. Mais vraiment, vous pouvez en trouver. Bon, en Inde, tout à fait. En Inde, ils admirent énormément le Führer, a raison. Messieurs, je vous propose de poursuivre, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, mais avant qu'on parle des élections, c'est sur la rubrique numéro 4, la rubrique suivante, hein, Troisième Guerre mondiale, mais brièvement, mais ça touche aux crimes de guerre allégués de la Russie, ça fait partie du discours sur ce qui se passe en Ukraine. Et comment ne pas faire le lien avec tout ce qu'on vient d'énoncer? Je crois que c'est important parce que il réserve un peu, en gros, il réserve le sort de la. Qu'ils ont fait à l'Allemagne nationale socialiste, à la Russie de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est ce qu'ils aimeraient faire, et je crois qu'il faut en parler. Alors, rubrique numéro 4, Troisième Guerre mondiale, parce qu'en fait, c'est ce qui est en train de se mettre en place, hein, soyons assez lucides sur la question. On parlait justement de l'accusation de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, vous savez, toute cette terminologie, enfin. Crime contre l'humanité pour ce qui est le tribunal de Nuremberg contre l'Allemagne nationale socialiste, et puis ensuite la jurisprudence que ça crée, faire taire les opposants, tout ça on l'a bien exposé, on l'a souvent exposé dans l'émission d'ailleurs, bien sûr, avec les conséquences immédiates que ça a. Au Canada, bientôt, ils vont avoir cette nouvelle loi qui fait suite. Et la Russie en Ukraine subit, en fait, le même traitement, ce qui est, à mon avis, pas nouveau totalement, puisqu'on avait vu avec Milosevic, Bachar al-Assad, Saddam Hussein, hein, on avait déjà vu ça, si vous voulez, se mettre en place, mais certainement jamais avec la même intensité que contre la Russie de Vladimir Poutine. Ça, je crois qu'on l'avait jamais vu. Et je crois que ce qui change beaucoup la donne, en fait, c'est qu'on voit cette rhétorique être appliquée à des dirigeants d'un État nucléaire. Une grande puissance qui a justement un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, donc qui fait partie des accords de Yalta. Au fond, on peut voir un peu la situation actuelle comme une remise en cause des accords de Yalta. crois qu'on peut voir ça un petit peu comme ça. Dans les accords de Yalta, en gros, c'était le partage du monde entre l'Union soviétique et le système communiste et les États-Unis d'Amérique. En gros, c'était ça. Après la guerre, après avoir vaincu l'Axe, on se partage le monde. Et c'est une remise en cause des accords de Yalta, parce que jusqu'à présent, il y avait une espèce de paix armée, voilà. Et même dans les années 90, quand la Russie était en très mauvais état sous Yeltsin, eh bien finalement, la rhétorique était beaucoup moins agressive contre la Russie. Et aujourd'hui, on voit que ce qui a été appliqué aux puissances de l'Axe est en train d'être appliqué à la Russie, qui est considérée comme une puissance de l'Axe. C'est exactement comme ça que je le formulerai. La Russie est traitée par les puissances occidentales, les démocraties occidentales, par les médias occidentaux, comme le légataire des puissances de l'Axe. Et la situation devient grotesque, c'est ce qu'a pointé du doigt d'ailleurs Sobieski, avec une Russie qui, à son tour, pointe du doigt l'Occident et les démocraties occidentales comme les légataires des puissances de l'Axe, en disant l'Ukraine est néo-nazie, vous armez les néo-nazis, c'est un pouvoir nazi. Bon, c'est assez surprenant, je veux dire, à voir, à étudier, que finalement, voir ces deux puissances. Donc en fait, la Russie de Vladimir Poutine qui descend de l'Union soviétique, les États-Unis de Roosevelt qui aujourd'hui sont ceux de Biden, s'accuser mutuellement de nazisme. Enfin, je trouve ça assez fascinant et en même temps très très révélateur sur l'évolution du langage, l'évolution des concepts, comment les concepts en fait évoluent progressivement selon le contexte, comment le langage politique évolue, comment le champ lexical évolue et comment les accusations, les anathèmes évoluent et comment aussi, parce que ça a des conséquences judiciaires, comment les tentatives de criminalisation de l'ennemi évoluent. Alors, cette semaine, moi j'ai découvert un truc extraordinaire, c'est les fours à Mariupol, hein, les fours crématoires mobiles de l'armée russe. Alors, c'est paru sur le compte, sur tous les médias en fait, pro-ukrainiens, notamment Nexta, bon, c'est un média biélorusse à l'origine, Nexta, enfin, d'opposants biélorusses, Nexta, mais ça innerve toute l'Europe de l'Est anti-russe qui parle anglais. Ça fait énormément de retweets, hein, Nexta, sur Twitter. Donc, le maire de Kiev, Klitschko, a repris à son compte l'accusation des fours crématoires mobiles, et ils ont tous repris. Donc, Nexta mettait en illustration de son article un camion avec un four crématoire intégré dans le semi-remorque, en fait. Sans contextualisation. Ils disent, voilà, à Mariupol, le maire de Mariupol déclare qu'il y a des fours crématoires mobiles pour cacher le génocide en cours. Donc, sous-entendu, l'armée russe génocide la population de Mariupol et fait disparaître les corps avec des fours crématoires mobiles. Et ils mettent en illustration un semi-remorque avec c'est des dispositifs qui existent, avec un four crématoire dans le semi. Alors, il y a quelques personnes un peu curieuses qui ont quand même un peu fouiné cette histoire-là et qui ont regardé les images proposées. Et en fait, c'est des images vidéo promotionnelles d'une entreprise russe qui fournit des semi-remorques avec des fours crématoires, effectivement, mais pour détruire des déchets. Et qui datent de 2013. Et c'est sur YouTube. Donc, en fait, vous pouvez complètement tracer l'origine des images. Ça vient pas de Mariupol, ça vient pas... Mais à aucun moment, Twitter ne shoot le compte pour des informations. Personne ne réagit, il se passe rien. D'accord ? Le président des États-Unis, Donald Trump, a vu son compte sauter parce qu'on l'a accusé de désinformation. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Je pense que oui. Mais ça, c'est juste cette semaine, ça. C'est simplement cette semaine, ce truc-là. Les fours crématoires de l'armée russe pour cacher les corps de la population ukrainienne génocidée dans les territoires où se trouve l'armée russe. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Peut-être Diabolix a envie de réagir. Moi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, Diabolix. Peut-être que tu as des choses à dire, mais... Bah, tu sais, bon, pour l'instant, pour te donner une idée, j'ai entre 3 et 6 000 informations par jour qui me tombent dessus que je dois gérer à ce niveau-là. Donc, j'aurais tendance à dire que la créativité des Ukrainiens, la créativité, alors des Anglais surtout, un peu moins des Français, des Américains, des Allemands et autres, c'est absolument sans borne et sans arrêt. Tu ne peux pas t'imaginer ce que représente une journée à analyser ce genre d'informations. Tu deviens fou. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement délirant, c'est tellement impossible. Mais leur principe, en fait, c'est de saturer complètement le, comment dire, le citoyen lambda, qui lui n'y connaît rien, qui lui est en train de bosser, qui écoute ça à la radio, qui se dit, mais enfin, c'est quand même monstrueux. Mais c'est vrai que les gens, entre guillemets, normaux, qui ont un petit peu de recul parce qu'ils ne sont pas le nez dans le guidon au niveau du boulot, doivent se dire, mais on est arrivé où? On est en train de penser quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau d'informations totalement crédibles, je vais vous enfiler quelques-unes. L'armée américaine ne veut pas que Odessa tombe. Ils ne le veulent pas. Ils ont décidé de défendre Odessa par tous les moyens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leur matériel de guerre depuis la Grèce, ou alors là, c'est encore fantastique parce que c'est le Parti communiste grec qui manifeste devant les bases pour que le matériel ne parte pas. Donc Alors, le matériel part par bateau depuis. il faut préciser, permets-moi de te couper, Diabolix, mais il faut préciser. Vas-y, vas-y. Oui, parce que nos auditeurs pourraient se dire, hein, le Parti communiste refuse que le matériel soit livré aux Ukrainiens. C'est que le Parti communiste grec a une spécificité par rapport à tous les autres partis communistes d'Europe. Vous aurez remarqué d'ailleurs que Fabien Roussel a condamné la Russie en disant que c'était scandaleux qu'il défendait l'Ukraine et tout. Le Parti communiste grec, donc le KKE en question, est un parti, et le seul et dernier parti d'Europe marxiste-léniniste, ce qu'on appelle traditionnellement stalinien. Donc ils ont conservé une analyse géopolitique assez sérieuse et une certaine affection pour le monde russe de la guerre froide. C'est pas mon monde, c'est pas ma sensibilité politique, mais ils sont restés constants dans la résistance, j'allais dire, héritée de la guerre froide. Ce qui n'est plus du tout le cas de toutes les formations de gauche et d'extrême gauche d'Europe. Et ça, il faut le souligner. Donc, c'est une espèce d'originalité qui s'explique, mais il faut en pointer l'origine, en fait. C'est-à-dire que tous les autres, en gros, tous les autres ont vraiment rallié en fait le camp de l'OTAN. Voilà, je te rends la parole, mais c'est vrai que pour certains auditeurs, ça pouvait être un petit peu confus en se disant, mais pourquoi le Parti communiste en Grèce se met à empêcher le matériel américain d'être livré aux Ukrainiens, quoi. En France, ils voudraient bien, mais comme ils doivent être 4 ou 5, il n'y a plus tellement de monde. Hein. Et donc tu disais donc Donc je reprends. Odessa, les Américains ont dit c'est la ligne rouge, là on défend Le jusqu'au bras. principe, oui, parce que en fait, soyons très clairs, quand tu regardes une carte de l'Ukraine, en reprenant Marioupol qui va bientôt tomber, c'est une question de grosso modo une semaine. Qu'est-ce qui reste encore à liquider à Marioupol? Il reste à liquider Azovstal et puis c'est terminé. Donc en fait, si vous voulez, le principe, c'est que toute la côte, tout l'accès à la mer de l'Ukraine, c'est terminé, c'est fini, ils en ont plus. Ils n'ont plus à l'heure actuelle qu'Odessa. Et les Américains ne veulent pas qu'Odessa tombe. Parce que si Odessa tombe, l'Ukraine redevient un pays neutre, mais qui a un accès aérien, point barre, mais qui n'a pas d'accès maritime. Donc, le principe, c'est quoi? Ils foutent dans des bateaux tout le matériel offensif. Le matériel passe par la mer Noire, atterrit au port de Constanța, qui est le principal port roumain. Et de là, c'est dispatché principalement par camion, un peu par chemin de fer, parce qu'en fait, Il existe une ancienne province roumaine qui est la Bucovine et qui a, après le pacte von Ribbentrop-Molotov, qui a été confisquée à la Roumanie et qui a créé en fait la Moldavie, la Transnistrie. Enfin, pas la Transnistrie. La Transnistrie, c'est l'époque du Tsar, c'est encore un autre truc. Je ne vais pas vous embêter avec ça parce que sinon, on en a pour des plombes. Le principe, c'est que donc la bande Moldavie, qui est un État, et Bucovine, grosso modo, c'est une ligne droite qui rejoint qui rejoint la mer Noire, et à côté de la Bucovine, ben, tu as le port d'Odessa. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent tout le matériel sur camion et directement, ils filent livrer la marchandise. Alors ça marchait relativement bien jusqu'à hier ou ce matin, je sais plus trop, où Vladimir Poutine a annoncé clairement, le fait d'armer l'Ukraine, vous êtes en train de devenir co-belligérant, et je vous garantis bien franchement que si ça continue, je vais réagir. Alors maintenant, j'attends la réaction, parce que nos petits copains américains, eux, ils en ont strictement rien à foutre, ils sont à des milliers de kilomètres, mais il se pourrait très bien qu'un de ces convois, à l'arrivée à la frontière avec l'Ukraine, ne se fasse calibrer. C'est un nouveau mot qui vient de rentrer au dictionnaire, qui consiste à envoyer sur les personnes que vous n'appréciez guère un missile calibre. Ça marche très bien. Note qu'aujourd'hui, par rapport à cette histoire de prise du port d'Odessa, les Britanniques ont livré aux Ukrainiens des navires antimissiles spécifiquement pour cette mission de défendre. Des missiles antinavires, tu veux dire? Des missiles antinavires, pardon, je dis l'inverse, n'importe quoi. Ouais, des missiles antinavires. Ouais, des harpoons, j'ai vu ça aussi. Oui. Donc c'est chaud, je veux dire, hein. C'est chaud, c'est un acte de guerre limite. Hein. Non, mais attendez les gars, je vous rappelle quand même que le harpoon. C'est un missile qui date des années 80. Le gros problème, la grosse erreur que fait l'OTAN en ce moment, c'est qu'elle est en train de vouloir... Bon, déjà, il faut comprendre la mécanique. Quand Poutine dit « je vais faire », c'est qu'il a les moyens et il le fait. Le principe d'un Européen, c'est qu'il dit « je vais faire », mais il n'a pas les moyens derrière. Donc en fait, c'est une grande gueule, l'Européen. L'Américain aussi, en fait. Hein. Faut pas se leurrer, c'est la même politique, c'est le même bouillon. Donc, ils sont en train d'expliquer aux Ukrainiens qu'ils vont pouvoir se battre avec du matériel qui est techniquement complètement dépassé. Je vous rappelle, et on a eu l'occasion de le voir en Syrie, qu'à un certain moment, les troupes de l'OTAN ont voulu jouer au con avec la marine russe. Ils se sont retrouvés avec un croiseur de bataille, ou un destroyer, je ne sais plus exactement lequel, qui s'est aperçu qu'au niveau des contre-mesures électroniques, les mecs étaient à poil, parce que les Russes ont parfaitement modernisé leur équipement. Donc, les gars se lancent dans une guerre qui est une guerre de propagande avec un matériel militaire qui est, je vous dis, c'est des missiles des années 80, bordel, c'est complètement dépassé. Vous jouez avec ça, c'est perdre son temps et en fait, les Anglais, ils liquident du stock, à mon avis, ils doivent rentrer des nouveaux trucs dans les hangars. Mais utiliser des harpoons, c'est complètement ridicule. C'est comme les blindicides qu'ils ont envoyés ou les missiles sol-air qu'ils ont envoyés. Le problème qui se pose, c'est que déjà la différence de poids est énorme. Un missile Manpad, c'est 7 kilos. Ça, c'est le missile russe. 7 kilos quand tu as ton gilet pare-balles, ton sac d'assaut, ton fusil d'assaut, ta dotation de mun, ta bouffe. Enfin bref, l'équipement classique du fantassin, c'est jouable. Les missiles que les Européens ont livrés font 13 kilos. Et le problème des missiles qui font 13 kilos, c'est que tu dois les maintenir, tu dois maintenir l'illumination de la cible. Or, un avion, la première chose qu'il fait quand il se sent harponné par un missile, il lâche des flares. Et le flare, c'est quelque chose qui éblouit le missile, mais surtout qui éblouit le couillon qui doit absolument illuminer l'avion. Donc, la majeure partie des tirs sont ratés. Effectivement, on finit par atteindre des avions russes, mais pour un avion russe qui est atteint, on en rate combien ? Et le gros problème des Ukrainiens, c'est que comme à partir du moment où vous avez illuminé un avion, vous avez indiqué votre position. Donc, il faut foutre le camp. Et le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas qu'un seul missile avec eux. Donc, quand ils foutent le camp, ils dégagent. Et quand ils dégagent, ils prennent leur fusil d'assaut, point barre, et ils se tirent. Ils ne vont pas s'emmerder avec 13 kilos sur les épaules. Donc, on est véritablement en train de jouer dans un jeu qui est complètement ridicule. Les Américains, parce que bon, la technologie européenne dans le domaine, bon, c'est pas le top, mais disons que les Américains commencent à s'apercevoir que ce matériel qui est censé être extrêmement productif ne l'est pas, ça leur a coûté des millions. D'ailleurs, il faut bien se rendre compte que tout ça, c'est payé avec vos impôts, hein, les gars, il ne faut pas se leurrer. C'est des dons pour les Ukrainiens, mais ce matériel a été acheté par les différentes défenses nationales des pays européens et des États-Unis d'Amérique. Ouais, donc, qui est le couillon de payeur ? Bah, c'est vous. Alors, élection présidentielle française, messieurs, on tenait à commenter aussi les résultats aujourd'hui. Je vais vous donner tout de suite la parole parce que je ne vais pas m'attarder, mais je vais commencer avec Sobieski, honneur aux jeunes membres de l'émission. Qu'est-ce que ce résultat ? On peut quand même citer un peu le résultat ? Enfin, techniquement, à l'heure où on est, parce qu'il va y avoir des précisions qui sont faites, un affinage, on va dire, des résultats. Pierrot va peut-être nous dire ça, ou Diabolix, je ne sais pas lequel des... Ouais, bien sûr. Alors, pareil, donc ça sera plus précis un peu plus tard, parce qu'on... Vous savez, on vous aime, donc on a fait un petit truc, petits oignons. Mais bon, il y aura quand même des ajustements à faire. Donc Macron est à 28%, Marine Le Pen à environ 24%. Jean-Luc Mélenchon fait ses 20%, Éric Zemmour à 7%. Pécresse, alors on ne sait pas trop si elle est à 5%, si elle les a. C'est important pour les remboursements de frais de campagne. Donc, elle tourne autour, on ne sait pas trop. Et donc après, t'as tout le reste. T'as tout le reste. Jadot, Lassalle, Roussel. Tout ça, c'est moins de 5, ça. Tout ça, c'est moins de 5%. Oh la vache, c'est extrêmement violent. Avant de me retourner vers Sobieski, moi, je dirais, manifestement, gros vote utile. Chacun allant vers un des trois pôles, hein, pôle de gauche, pôle du centre, pôle de droite, hein, donc. Bon, chacun mettra ce qu'il voudrait à ces termes, bien sûr, mais vous me comprenez, on voit à peu près la géographie. Mais je suis stupéfié de voir l'écrasement des candidats qui aimaient bien se situer, vous savez, entre deux eaux en termes de volume de voix. Hein, je veux dire, là vraiment, ils sont tous relégués à moins de 5%. Là, il n'y a pas du tout de candidats, au premier tour, hein, je veux dire, de candidats, si vous voulez, un peu originaux. Là, ils sont tous, on les invite tous à tranquillement repartir à leurs chères études, quoi, hein. Y compris Jadot, hein, parce qu'avec toute la propagande réchauffiste qu'on subit, on devrait se dire, oh, là, il va faire je ne sais pas combien. Pas du tout. Hein. Donc, c'est vraiment du vote utile pur et dur, avec juste, en fait, Zemmour, qui s'en sort un peu mieux chez les candidats de second rang, en fait. Hein. C'est, en gros, c'est ça, quoi. C'est intéressant pour ce suffrage. Donc, gros vote utile, avec une volonté, j'en déduis, hein, d'élimination brute du candidat d'en face, quoi. Hein. C'est ça que ça traduit. Hein. C'est-à-dire qu'on y va pour éliminer, quoi, en gros. Hein. C'est clairement ça. Hein. On ne se permet pas d'approximation. Et donc, trois candidats qui en retirent les bénéfices. Mélenchon. Moi, je salue la performance de Mélenchon parce qu'il est à 20 points. Alors, dans les sondages, jusqu'à très récemment, on le donnait à 10-11. Je salue sa performance au plan purement technique, je veux dire. L'homme est quand même un self-made man de gauche qui s'est imposé à tout l'establishment de gauche socialiste. Ça force le respect. Voilà, ça reste le patron à gauche et de très loin. Bon, je ne sais pas ce qu'il va décider de faire sur les 5 ans à venir. Après tout, à 75 ans en politique aujourd'hui, c'est pas impossible, hein. Je veux dire, Biden a 80 balais. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas, mais c'est un mordu. Il a l'air de vouloir continuer. On verra bien. Marine Le Pen 24, Macron 28. Alors là, on a vraiment le centre bourgeois mobilisé à fond pour ses intérêts, les boomers à bloc. Je veux dire, moi, j'attends les chiffres. En tout cas, c'est mon premier sentiment. Sobieski, face à ces résultats, qu'est-ce que tu voudrais dire? Je ne sais pas sous quelle angle tu vas aborder le résultat, si c'est en tant que militant, je sais pas, un peu identitaire ou quoi, qui fréquente des gars qui sont peut-être des Zémouriens, je sais pas, ou des marinistes. Comment tu ressens ce résultat? Ah ben oui, comme tu dis, en tant que militant qui fréquente depuis très longtemps des militants du camp national, et quand je dis camp national, ça prend vraiment des sensibilités dites, oui, on va dire, gaulliste souverainiste à identitaire, voire, comme dirait notre ami, les hard conspi-nazis. Moi, en fait, ce que je vois, c'est que dans ce large spectre, qui a toujours existé en fait, et ben, au final, je fréquente en effet des humoristes, enfin un peu de tout en fait. Et ce que je vois au final, c'est que ben, on voit une chose, c'est que le Zemmour en fait, pour moi, c'était un candidat vraiment liquide. Parce que je sais pas si vous voyez un peu le concept de monde tangible et de monde liquide, et pour moi en fait c'est ça. Zemmour, il vient du monde liquide, il vient du show business, il vient de l'internet, mais ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas suffi. On nous a vendu Éric Zemmour comme un Trump. Ben non, c'est pas Trump. Éric Zemmour, il est très loin d'avoir sa stature, il est très loin d'avoir son ingéniosité, et il n'a pas non plus un fan club aussi réactif et aussi créatif que l'était l'alt-right américaine. Et donc, moi, la première chose que je dirais, c'est ben, en fait, y a rien qui me surprend en fait dans ces résultats. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que Éric Zemmour, ça fasse un flop, parce que, encore une fois, c'est le monde liquide. Les types croient que c'est parce qu'ils passent 10 heures par jour sur les forums qu'ils ont l'avis des Français. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Il Ouais, il n'y a pas la France faut. profonde derrière, c'est ce que tu veux dire, en gros, quoi. Exactement, il n'y a pas la France profonde, il n'y a pas la France du quotidien. Qui se lève tôt, comme Oui, disait exactement. Raffarin. Ouais. Exactement. Non, mais même, il suffit de connaître un peu, même dans la banlieue parisienne, parce que, voilà, je veux dire, dans la banlieue parisienne, mais dans les grandes villes d'ailleurs, il n'y a pas que des bobos en trottinette. Il y a aussi bah, des Français, il en reste encore quand même quelques Français de souche, et beaucoup de gens de la diversité. Bah, malgré tout, les humoristes, ils tablaient sur l'idée que oui, mais tu comprends, le français de souche, il en a marre, et puis même les mecs de la diversité, ils en ont marre. Ouais, bah non, ça a pas marché. Voilà, et donc les résultats, moi, franchement, il n'y a rien qui me surprend. Je veux dire, Mélenchon, ça fait des années qu'on nous explique, ouais, attention, il va passer au deuxième tour, mais sauf qu'à chaque fois, il finit troisième. Marine Le Pen, bah, c'est habituel chez Le Pen, il fait toujours au deuxième tour, mais ça n'aboutit à rien. Et oui, comme tu as tout dit, il y a eu un gros vote utile de chaque côté. Oui, alors ça, par contre, moi, encore une fois, c'est pour ça que je disais aux gens à mon travail ou ailleurs, je leur disais, non, mais en fait, je ne vois pas pour vous emmerder à voter, parce que concrètement, on sait ce qui va se passer. C'est-à-dire Macron va l'emporter haut la main. Parce que tout simplement, il faut comprendre la sociologie du groupe qui vote pour Emmanuel Macron. C'est les boomers et les CSP+. Les CSP+ et les boomers sont hyper satisfaits de la politique de Macron. Et, je veux dire, la politique sanitaire, la politique vaccinale, sa réaction face à Poutine. Les gens, ces gens-là, ils bouffent du BFM TV H24, ils sont satisfaits de Oui, Macron. bien sûr. Donc, ils vont jamais lâcher leur poulain. Je veux dire, c'est des gens, ils ont, pour les boomers, ils ont une rente à avoir. Et CSP+, eux, ben, ça peut pareil. Hein, ils attendent une petite rente. Donc, jamais ils lâcheront Emmanuel Macron. Ils sont persuadés qu'est-ce qui est mieux pour eux, ça changera jamais. Et Marine Le Pen, elle a réussi à. Bon, elle a réussi à se qualifier, mais comme d'habitude. Enfin bref, en tout cas, ouais, non. On assiste à. Je sais pas, une confirmation. Je pense beaucoup d'entre nous devaient s'attendre à des résultats un peu comme ça, quoi. Je veux dire. Les sondages Pour l'annonçaient, de moi. toute façon, hein, ils étaient assez téléphonés, hein, de ce côté-là. Je veux dire, en surévaluant d'ailleurs Zemmour, visiblement, Marine Le Pen étant donné quand même grosso modo dans ces eaux-là, dans la dernière semaine, hein, en tout cas. Hein, c'était ce qui était plus ou moins annoncé. Pierrot, qu'est-ce que tu penses de ces résultats, voilà, qui sont enfin sous nos yeux? Donc en fait finalement Ouais. 2017, hein, en gros 2017, mais avec quand Ça, même moi j'ai vu. un étiage différent, puisque en 2017 le rapport de force était un peu différent, je dis bien un peu différent, puisque Marine Le Pen je crois était aux alentours de 20, 22, je crois que c'est comme ça, 22, 23, un truc comme ça, et Emmanuel Macron une petite avance confortable, 25 à peu près. 24, hein, à peu près, 24, 25. Et en 2022, en fait, on est un peu face à la même situation, un peu accentuée, c'est-à-dire qu'on a bon, Marine Le Pen, grosso modo, à 24 et Emmanuel Macron, probablement à 28. Donc, mais toujours les deux mêmes principaux champions. Et toujours Mélenchon en troisième homme, hein, d'ailleurs. Hein, rappelez-vous, Mélenchon, il avait damé le pion. Enfin, ils étaient avec Fillon en train de disputer la troisième place. Donc, moi, j'aimerais ton sentiment là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce résultat actuellement? Et comment éventuellement tu vois le deuxième tour? Alors, je vais pas vous raconter de la flûte. Hein. Je me suis pas déplacé personnellement pour aller voter. Pas uniquement parce que je crois pas à la démocratie, ou plutôt la démocratie me donne envie de vomir, ce qui est déjà effectivement un argument qui se vaut. Hein. Mais aussi parce que pour des raisons pratiques, ça aurait été un peu compliqué. On s'en fout, mais bon, par rapport au résultat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de mon point de vue parce que moi, j'espérais un boom, mais alors n'importe lequel. Hein. Je vous ai déjà parlé de mon amour personnel envers la candidature malheureuse de Sandrine Rousseau, d'accord? C'est dommage, ça aurait pu faire bouger des trucs, mais vous voyez, même à l'extrême gauche, quoi. Moi, je prends le boom. Je suis hyper, hyper, hyper accélérationniste, d'accord? Parce que c'est le terme utilisé par Adoxa, mais alors à 100%. Donc là, du coup, oui, en fait, il se passe rien. C'est ça le Il se problème. passe rien, effectivement. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu, ce truc-là, d'accord? Donc on voit ça, même truc, et en pire, j'ai envie de dire. Parce que là, même Mélenchon, au deuxième tour, j'aurais pris. Et puis Mélenchon à la présidence, je prends aussi. Ah, Faut qu'il je se passe quelque prends, chose. moi je prends. Faut qu'il se passe quelque chose. Le mec, il nous plonge, de toute façon, le Mélenchon à la présidence. Imagine le mec, après, il fait un carton législatif, il nous coule le pays en 2 ans. C'est bien, c'est bien. Fouille l'effondrement vite, là. Très vite. Parce que là, on a une particularité politique supplémentaire. Les nationaux-socialistes, c'est qu'on a la donnée du temps. C'est-à-dire que les boomers, ils n'ont pas la donnée du temps, ils s'en foutent de tout. Nous, on a une donnée raciale à prendre en compte. Donc, J'ai faut une vite mauvaise qu'il y ait un nouvelle pour changement. toi. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai une mauvaise nouvelle pour tous nos auditeurs. Alors, quelle est cette mauvaise nouvelle? Eh bien, c'est que en 2030, nous aurons 21 millions de retraités en France. Nous en avons 17 millions aujourd'hui. Donc, nous subissons un vieillissement accéléré à l'heure actuelle. Nous subissons aussi, tout particulièrement sous Emmanuel Macron, un remplacement de population au sens ethnique du terme tout à fait considérable. Je lisais encore un article récemment, pas du tout venant d'un média d'extrême droite, c'était une remarque qui était admise, d'accord, déclarant que sous Emmanuel Macron, nous n'avions jamais vu autant d'immigration en France. C'est-à-dire que c'est le champion de l'immigration, même plus que François Hollande. Donc, 5 ans supplémentaires d'Emmanuel Macron, c'est encore plus d'immigration, en sachant que nous avons déjà une immigration formidable, une natalité absolument terrible, qui est en place, puisque nous savons que sur la base actuelle, hein, en 2027-2028, la majorité des naissances en France sera non blanche. C'est la dynamique actuelle. Alors bien sûr, des gens vont dire il ne faut pas se tromper, il faut absolument voter Marine Le Pen, etc. Bon, je ne vais pas voter contre Marine Le Pen. Voilà. Si des gens estiment que c'est la chose à faire absolument maintenant, tout de suite, plutôt que d'accompagner le crime auquel s'apprête à commettre Macron, c'est bien évidemment la liberté de leur conscience. Moi je crois, si vous voulez, qu'il y a beau temps que nous avons franchi la question des élections. Bon, même si nous mettions demain Marine Le Pen au pouvoir, bien sûr, il y aurait des conséquences, pour le coup, accélérationnistes, hein, il y aurait des tensions considérables dans la société, je serais assez friand de les voir, mais bon, bref, vous avez compris que nous sommes dans une situation de toute façon, ne peut pas trouver de solution démocratique. Mais bon, voilà, je constate le vote des Français tel qu'il est exprimé aujourd'hui. Et ce que tu disais aussi, c'est catastrophique parce que c'est une espèce de statu quo. Et oui, c'est vrai que c'est un statu quo dans une certaine mesure. Alors évidemment, des gens vont dire, mais non, mais écoutez les gars, quand même Marine Le Pen, écoutez, on peut pas quand même mettre dans le même sac Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron. Moi, je vais pas verser dans la subtilité, si vous voulez, intellectuelle en disant que si, c'est pareil, etc. Non, c'est pas exactement la même chose, parce qu'en fait, vous avez ceux qui sont, comme Macron, validés à 100% depuis l'intérieur et qui sont leurs champions, et puis vous avez ceux de l'extérieur, mais qu'on peut quand même, grosso modo, retravailler, domestiquer, intimider, menacer, jusqu'à la soumission. Comme avec Trump, en fait. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Mais je ne suis pas excessivement surpris de du vote actuel. Le deuxième tour, je regarde les réserves de voix des uns et des autres. Donc nous sommes sur trois pôles. Hein. Donc nous avons Macron, mais qui est confortablement en avance quand même. Hein. Je veux dire, la bourgeoisie est massivement mobilisée derrière Macron. Moi, j'invite quand même nos auditeurs à le considérer. Hein. La bourgeoisie s'identifie vraiment totalement à Macron, sur toute sa politique. Je veux dire, notamment sanitaire, hein, contre les gilets jaunes, sa politique sanitaire, le contrôle des masques. Quand il a annoncé il y a 2 jours de remettre le pass vaccinal en place à l'automne, c'est pour les boomers, attention, hein, c'est un message qui est adressé aux boomers. Ça veut dire, les gars, je suis avec vous, on va les faire chier, on va les faire chier. Alors, qui sont les? Tous ceux qui ont moins de 40 ans, purement et simplement. On est sur de la guerre générationnelle à fond. Donc on a cette masse énorme de boomers, et qui va d'ailleurs de plus en plus énorme, les gens ne le comprennent pas, de plus en plus énorme, 20 millions dans 7 ans, plus 20 millions d'allogènes dans 7 ans, une masse de 40 millions de gens face à nous. Nous, c'est les blancs qui ne sommes pas à la retraite, grosso modo. Donc ça fait un peu plus de 30 millions de personnes. Oui, mais sauf que les 30 millions de personnes en question, ils sont pas tous de droite ou d'extrême droite, les gars. Non, il y en a beaucoup qui votent Jadot, machin, truc, qui sont je sais pas quoi, ils sont ailleurs, ils s'en foutent. Donc si vous voulez, la démocratie, si ça fonctionne sur la base du nombre de voix dans des urnes, c'est mal barré. C'est toujours ce que j'ai voulu défendre ici, c'est de dire non, les gars, ça marche avec ceux qui sont les plus forts. Et je sais que ce point de vue est pas compris, incompris. Alors des gens vont peut-être se féliciter que Marine Le Pen arrive en deuxième position, mais vous savez, une élection présidentielle, franchement, c'est quand même bien d'arriver en tête au premier tour. D'accord ? C'est quand même bien d'arriver en tête au premier tour si vous voulez gagner, quand même. Alors, bon, les gens en font ce qu'ils voudront. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais... Mais bon, peut-être que Marine Le Pen va gagner après tout. Mais regardons les réserves de voix. 20% chez Mélenchon, une des grosses réserves de voix. Mais regardez, Jadot, il a fait combien? J'ai pas le chiffre. Moins de 5, mais je sais pas combien il a fait, peut-être 4. Hidalgo, je sais pas. On va ajouter comme ça toutes les boutiques de gauche. Il va bien arriver à trouver 10% supplémentaires comme ça d'emblée. Il va y avoir un vote utile à gauche, parce que quand même, chez les mélenchonistes, faut pas rêver. T'as maximum de syndicalistes et compagnie. Les mecs, c'est entre Le Pen et Macron, ils vont... Il n'y a rien à faire. Ils vont dire, non, les gars, on peut pas laisser passer Le Pen, quoi. C'est pas possible et tout. Ils vont dire, non, Macron... Mélenchon, le premier truc qu'il a fait depuis les résultats directs, c'est il n'a pas appelé à voter Macron, mais il a dit, non, mais pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour Marine Le Pen. Bon, attends, deux fois. Voilà, t'as compris. Donc, ça veut dire, si tu veux, que tu vas avoir de l'abstentionnisme un peu... chez ces mecs-là, mais tu auras beaucoup de mecs qui vont voter contre l'extrême droite, comme ils appellent ça. Bon, Mélenchon, il a dit pas une voix pour Marine Le Pen, fais ton calcul, ça fait d'emblée 12 points pour Macron. Voilà, ça fait 12 points pour Macron, tu prends ses 20 points, 12 points pour Macron, Macron, déjà, là, il est à 40. Maintenant, c'est pas que de l'arithmétique pure. Parce que... Au deuxième tour, c'est beaucoup du test sur la personnalité. Et vraiment, tu te dis, bordel, qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je veux pas. On pourrait être étonné. Hein, parce que, avec ce qui s'est passé là, ce qui est encore en train de se passer, on pourrait être étonné. Bon, maintenant, je ne vais pas aller me jeter. Mais même si demain Marine Le Pen est élue, en fait, moi, j'en ai rien à foutre. C'est, en fait, ça ne ferait que précipiter la destruction de l'État français. En fait. Je tiens. Eh ben, c'est bien ça. C'est très bien. Non, je tiens à être très clair là-dessus, parce que des gens pourraient tenter de se dire, ah ouais, Marine Le Pen, ok, c'est pas génial, c'est pas tout à fait nos idées, au sens où voilà, c'est pas à fond identitaire, elle va pas renvoyer tous les bougnoules et tout, mais quand même. Non, en fait, c'est juste que ça précipiterait la désarticulation de la société française sur toutes ces lignes de fracture existantes. C'est-à-dire que les syndicats, les groupes ethniques, les groupes religieux, tout, je veux dire, les professions, les trucs, tout se polariserait encore plus. La France deviendrait ingouvernable en pratique. C'est ce que je veux dire. La France deviendrait... Eh ben, n'est-ce pas ce que nous voulons ? Si, non, mais moi, je m'en plains pas. Attention, je suis pas en train de vous dire machin. Ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est pas « Ah, Marine Le Pen est élue, super, notre politique va être faite, tous les bougnoules vont repartir ». Il y en aurait moins qui viendraient peut-être. Et encore, c'est pas forcément. Mais en fait, ce serait juste que ce serait le foutoir et c'est tout. Donc, ça serait la seule vertu de l'élection de Marine Le Pen. Voilà, bon, faites ce que vous voulez hein, maintenant. Si vous avez envie de précipiter le chaos en vous disant putain, c'est ce qu'il faut. Je pense que ceux qui veulent aller voter, de toute façon, ils iront voter ça. Bon, moi, je suis tellement. Moi, je suis un ennemi de la démocratie, donc je vote pas. Je hais la démocratie, je veux sa destruction. Des gens vont me dire, ben, mets tes paroles en adéquation avec tes actes, appelle à voter Marine Le Pen pour précipiter le chaos. Non, je déteste trop la démocratie pour appeler à voter. Bon, mais c'est mon point de vue. Hein, mais voilà. De toute façon, je pense que Macron... il le provoquera le chaos. Je veux dire, les gens qui croient que ce sera plus le chaos avec Mélenchon ou avec Marine Le Pen, non, avec Macron, c'est déjà le chaos. Enfin, je veux dire, faut regarder la gueule du pays, quoi. Je veux dire, c'est la grenouille qui est dans l'eau avec la température qui monte doucement, tu vois. C'est ça comme chaos. Moi, je veux un chaos brutal, tu vois, avec des têtes qui volent, quoi, des trucs sympathiques. Bon, t'en fais pas, je pense que ça va bientôt arriver de toute façon. Toi, ce biais, à titre personnel, à titre personnel, si une personne comme Marine Le Pen accédait au pouvoir, au présidentiel législatif, elle me traque, comprenez, elle me traque, elle me fout en tôle, tu vois. Je veux dire, c'est rédhibitoire. Oui, mais mais je vais vous dire, pour moi, pas faire le match, d'accord. J'ai pas le pouvoir de changer les événements qui sont déjà, même les événements à venir d'ailleurs. Hein, je suis qu'un homme, d'accord. Mais Marine Le Pen, moi, j'aimerais bien qu'elle soit extrêmement en bas. On n'en parle plus. On tourne la page du Rassemblement National des Le Pen. On passe à autre chose. Et puis, il y aura peut-être une alternative politique qui fera bouger deux, trois trucs. Okay. Ou alors, très haut, du genre, elle accède aux responsabilités pour que ça foute la merde. D'accord. Mais alors, pas au milieu. Pas en mode, Ouais, j'ai fait 45%. Voilà. Rendez-vous en 2027. Exactement. Et là, par contre, bon, c'est pas ce qu'il a mis à nos réserves, mais on sent quand même se diriger vers un scénario comme ça. Et ça va culer du vin pendant 5 ans. Hein. Ça pourrait être, on pourrait se retrouver dans une situation qui serait celle-là. Elle fait 45 points, ou 42, ou 43. Macron est réélu. Ok, il gouverne pendant 5 ans. Rebelote. Marine Le Pen gagne en 2027, et là, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'en fait, rongeant 4-5% à chaque élection, ou plus que ça même, elle y arrive, mais en fait, elle arrive à un tel moment où en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. C'est pas du tout le... C'est pas bon, tu sais, la goutte d'eau, Marine Le Pen, elle la connaît pas beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai que... Ou elle la connaît bien, plutôt. À la goutte, du coup. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est assez... Enfin, bon, dans l'émission ici, c'est clair, mais je sais pas s'il y a des gens qui sont enthousiastes pour cette candidature Marine Le Pen. Moi, je le suis pas, personnellement, parce qu'il y a rien dans son programme qui me... Enfin, y a rien de... Voilà, je vous assure, il y a rien qui me... Oh bah de toute façon, faut pas non plus rêver. Je veux dire, un programme, bon, encore une fois, c'est que des idées, c'est des paroles, et les paroles n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Donc le truc, c'est que, admettons, Marine Le Pen arrive au pouvoir, etc. Ou même, je sais pas moi, Éric Zemmour, etc. Ouais, mais je veux dire, il y a des types qui vont lui dire non, mais en fait, tu fais pas ce que tu veux. T'as tous ces hauts fonctionnaires là dans les cabinets, ils vont lui dire non, mais en fait, tu fais pas ce que tu veux. Tous les fonctionnaires, tous ces rouges là qui vont obstruer ses actions au maximum. Pareil au niveau de Washington, au niveau de Bruxelles. Enfin, je veux dire, croire que le président fait tout ce qu'il veut, je veux dire, c'est d'être d'une naïveté confondante, quoi. Je veux bien à 20 ans qu'on croit que ça va tout changer, mais à 30 piges, c'est être con, quoi. Écoutez, on va voir, hein, on va voir, mais ce qui change un peu la donne, c'est qu'en 2017, il y avait à quatre pôles. Il y avait LR, donc les Républicains avec Fillon, il y avait Marine Le Pen, il y avait Macron, et il y avait Mélenchon. Maintenant, il y a trois pôles, ce qui est un peu plus naturel, un peu plus logique. Donc, il y a eu une clarification. En fait, la partition a été faite. C'est-à-dire que Macron a pris les gens de droite qu'il devait prendre, de la droite bourgeoise, j'entends. Donc, de chez Fillon, en fait, quoi. Marine Le Pen a pris les gens de chez Fillon qu'elle devait prendre. Zemmour pensait prendre, il n'a pas pris. Bon, c'est comme ça, hein, c'est... Là, c'est presque une loi physique, hein. C'est la masse qui attire la masse, donc c'est aussi simple que ça. Et Mélenchon, pareil, au fond, parce que les candidats de gauche n'ont pratiquement pas pu exister à côté de sa candidature, alors que, rappelons-le, il n'y a pratiquement pas eu de campagne électorale. Hein. Je veux dire, Macron a fait grève, en fait, hein. Il ne s'est pas présenté, il n'en avait rien à foutre, quoi. Hein. Marine Le Pen non plus n'a pas fait campagne, c'est assez frappant. Moi, je regardais ça quand même, et je voyais que Marine Le Pen, c'était très en pédale douce, hein. C'était très... Voilà, alors qu'elle souffrait même plus tôt de la présence de Zemmour au plan médiatique. Elle avait beaucoup de mal à exister face à Zemmour. Donc là, on assiste à quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'en fait, à la fois au plan médiatique et au niveau des réseaux sociaux, Zemmour écrasait et de très loin Marine Le Pen, mais que ça ne représente pas l'électorat dans toute sa profondeur. Ça, je pense qu'il faut vraiment le... Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever, quoi. Il y a des gens qui pensent que tout le monde est sur Twitter. C'est faux. C'est vraiment faux, quoi. Avec Zemmour, c'est clairement faux, quoi. Et ça a même trompé beaucoup de gens chez Marine Le Pen, parce qu'il y a des gens chez Marine Le Pen qui ont abandonné Marine Le Pen il y a 2 mois en se disant que la victoire de Zemmour était imminente, simplement sur la base de ce qui se passait sur les réseaux sociaux ou ce qui pouvait transparaître dans les sondages. Et Marine Le Pen est restée... en fait, elle a simplement misé sur le nom Le Pen qui est installé dans le paysage depuis 50 ans. Et bah voilà, c'est tout. Elle a rien à faire de plus. C'est comme la marque Coca-Cola, quoi. Voilà. Zemmour, faut quand même prendre en compte le fait que son électorat, c'est surtout des trentenaires très actifs sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, à côté de ça, il y a des électorats... plus discret, mais plus massif. Et on vient de en avoir la preuve, là. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, en plus, le nom Le Pen, attention, je veux dire, parce que quand tu vas dans les campagnes ou dans les zones périurbaines, les gens ne sont pas du tout... Voilà, c'est tout. Le Pen, c'est le programme. Voilà, c'est tout. Immigration, Le Pen, point barre. On va chercher midi à 14h, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, c'est la marque Coca-Cola. Il ne faut pas chercher plus loin, quoi. Et tu peux... Et moi, je vous le dis, tu peux pas déboulonner Le Pen. Moi, j'aurais aimé, en fait, mon scénario idéal, c'était que l'Africaine, enfin, la négrophile pathologique qu'est Marine Le Pen, ne soit pas au deuxième tour. Ni plus que Zemmour, d'ailleurs, enfin, bon, si c'était lui, peu importe. Mais qu'on en termine avec la négrophilie pathologique de Marine Le Pen. Or là, ce qu'on a gagné... Ouais, là, elle va pouvoir poser, ouais. Ouais, le problème, c'est ça, c'est que tu vas te bouffer de la négrophilie patriote, mais en quantité telle que t'en auras jamais cru, tu vois, que même, au bout d'un moment, tu vas te dire, mais merde, Emmanuel Macron, quelque part, est-ce qu'il n'est pas un peu plus à droite que Marine Le Pen? Et la réponse étant objectivement presque... Alors, Marine Le Pen, en fait, c'est à son corps défendant et peut-être d'ailleurs avec des larmes dans les yeux, hein, qu'elle va devoir limiter l'immigration. Mais si elle était à la présidence, on lui dirait, mais t'es obligé, t'as pas le choix, il faut limiter l'immigration. Et Marine Le Pen serait là, d'accord. Ouais. Tu vois, ce serait, voilà, il faudrait, voilà, ok, j'en fais rentrer que 200 000 à la place de 400 000. Quoi, mais c'est presque ça, quoi. Quand on lui a posé la question l'autre jour, c'est quoi votre premier geste en tant que président de la République? C'est je vais rencontrer un président, un chef d'État africain. Enfin, mais c'est pas elle plus que les autres. C'est-à-dire, c'est la négrophilie pathologique de ce pays. Alors, si c'était 5% de natalité africaine en France, ce serait déjà très problématique. Mais on pourrait gérer. La France aujourd'hui est à, grosso modo, 42-43% de naissances non blanches. Alors, les types de discours africanophiles de Marine Le Pen, c'est juste... Voilà, bon. Qui vivra, verra. Un pronostic pour le deuxième tour? Peut-être une surprise, hein, peut-être une cirrhose de Marine Le Pen qui mettrait Jean-Luc Mélenchon. Ah mais du coup, anticipons, il doit y avoir un débat. Alors bon, c'est 2017, on a vu ce que ça a donné. Il y a de la redite sur le déjà vu, hein, mais bon, on va manger un autre débat en gros. Bah, écoute, moi je pense qu'il peut y avoir une surprise. Avec des circonstances assez particulières, si Vladimir Poutine balance des ogives nucléaires sur Paris et les grandes villes de France, il y a moyen de faire pencher les élections. Ouais, je suis bien d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre Macron, Poutine se dit là, putain la vache, là je suis un peu mal en Ukraine, j'ai besoin de faire gagner quelqu'un aux élections en France, je refuse de vous, tu vois ce que je veux dire? un petit truc. Je sais pas comment il pourrait s'y prendre. Je sais pas, ils sont trompés au Kremlin, ils ont voulu tirer sur l'Ukraine ou sur les USA, mais sauf qu'ils se sont trompés, ils ont visé sur Paris, bon bah c'est dommage, c'est très dommage, mais au moins ça réglera la situation, je veux dire, Paris et sa horde de boomers et de nègres qui disparaît, je pense qu'on peut dire que c'est un bienfait pour l'humanité en fait. Oui, ce serait sûr, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.